Toute l'équipe du 6-9 dans quelques minutes à peine. Ils sont en forme, comme d'habitude. On s'écoutera aussi Maroon 5 pour aller jusqu'à 6h. Passez une excellente journée. Et puis nous, on se retrouve dès demain 4h. Le 6-9. 6h-9h. Sur Énergie. On va jouer avec Isabelle. Isabelle, qui travaille comme péricultrice dans une crèche à Waterloo, dans le Béoué, représente. Elle a deux enfants qui s'appellent Lisa et Salvatore. Elle aime beaucoup l'aventure, faire des parcours d'acrobranche, du saut à l'élastique, soit en parachute, hein, tout ce qui est à sensation. Et puis elle regarde la série La Casa des Papels sur Netflix. Et sa musique préférée, c'est À la vie, à l'amour de Soprano. La la la la la la. Bonjour Isabella. D'ailleurs, Soprano ce soir. Eh ouais, Soprano tout à l'heure, c'est vrai, Sacha, Raleigh et Wendy à 16h, tu seras là. Bah oui, je vais tout faire pour y être. Je travaille jusqu'à 18h, mais. Eh ben, t'écoutes. Eh ben, branche-toi à ce temps-là, ça va être plus ou moins dans ces eaux-là, je pense. On n'en sait rien en fait. Appelez-moi Wendy. Soprano qui sera tout à l'heure en effet entre 16h et 20h chez Raleigh et Wendy. Avec, à mon avis, le live d'À la vie à l'amour, extrait d'album Phoenix, le nouvel album de Soprano. Tu as déjà acheté, Isabella, le nouvel album de Soprano? Non, pas encore, mais j'écoute beaucoup sur YouTube. Bah oui, mais tu as bien raison, Isabella. Sois la bienvenue ce matin. Il y a plus de 2 millions de vues sur YouTube. Hein. YouTube. Isabella, nous allons jouer au Game Song. C'est très simple. Je vais te mettre des petits extraits de musique, mais il manque des mots. Et ces mots ont été remplacés par des bruits d'animaux. À toi de retrouver le mot qui manque, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Ok? Oui. On va se marrer, je vous le dis, il y a des pépites. Allez, Isabella, on croit en toi. On est avec toi, Isabella. Voici le premier extrait. Bonne chance. Donne-moi ta gamme. C'est le parrain de l'émission, Claudio Capéo. Donne-moi ta quoi? Ta main. Donne-moi ta main, on vérifie. Donne-moi ta main. Mais oui, oui. Reprends la scène et nous ferons one point. Une ronde, une chaîne. Donne-moi ta main. Ta main. Non, c'est gamin. Oui, je sais, mais c'est le deuxième truc aussi où je pensais qu'ils disaient ta main. Je vous jure, je pensais qu'ils disaient donne-moi ta main. Ta main, au cas où t'as pas bien compris. Eh bien, un point pour toi, Isabella. Bravo. On écoute le deuxième extrait. Pareil, il y a un mot qui est caché dans ces bruits d'animaux. À toi de l'en trouver. C'est parti. C'est le nouveau David Guetta avec Bébé Rexha. David Guetta qui était avec toi la semaine dernière d'ailleurs. Ouais. Allez revoir les vidéos de tout ça, c'est sur energie.be. Voilà. Alors, à ton avis, Isabella. My name. On vérifie. C'est mon name. Mais oui, oui. J'adore le nouveau Guetta. Il est énorme. Ah, il est sympa, hein. Oui. Très très chouette. Oh, puis Bébé Rexha est aussi très sympa, faut étonner. Dans ce cas, le clip. Il est en train de passer en ce moment sur Energy, il est très très très très beau. Isabella, bien vu. Oh là là. Ça fait 2 points. Est-ce que tu vas nous faire un sans faute? Je le souhaite. Isabella, il est pour toi celui-là. Écoute. Alors Isabelle, à ton avis, quel est le mot qu'on cherche? Bella. Isabelle, elle reconnaît Bella. On écoute, on vérifie. Bella. Et heureusement qu'il a sorti cette chanson, Maître Gims. C'est grâce à ça que Kenji a été repéré avec Bella. C'est vrai. C'est vrai. Et ouais. Il l'a repris là en fait devant sa caravane avec ses cousins etc à la guitare et le casting de The Voice l'a repéré et lui a demandé de passer le casting. Et aujourd'hui c'est Kenji Girac. Et vous savez qu'il habite toujours dans sa caravane? C'est pas vrai, j'ai lu ça dans un article. Tiffany. Oh, c'est pas vrai. En fait, il a une maison et sa caravane, elle est dans sa cour. Et il dort souvent dans sa caravane, dans sa cour. Sympa. Et ben, Isabella, 3 points en tout cas pour les 3 extraits de la Game Song. C'est gagné. Super. Bravo à toi Isabella, tu es très fort. Et bah écoute, du cadeau pour toi ma chérie, on va t'offrir quoi? Il y a 4 places de ciné, il y a l'enceinte Bluetooth Waterproof ou alors il y a la dernière compil énergie. Qu'est-ce qui ferait plaisir? L'enceinte Bluetooth. Ouais, bon choix. On t'envoie ça à la maison Isabella. Belle journée. Merci. Bisous. Retrouvez les meilleurs moments du 6-9 en podcast, audio et vidéo sur énergie.be. Say now, baby. Hold my mind, don't play now, baby. Say now, baby. So let's go on things right now, baby. Tell me if you love me or not, love me or not, love me or not. At the house on you, am I lucky or not, lucky or not, lucky or not? You gotta tell me if you love me or not, love me or not, love me or not. Wishing for you, I'm a lucky nut, lucky nut, lucky nut. Ooh, ooh, ooh, ooh, I'm wishing for you. Ooh, ooh, try to feel what love is doing. Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, I'm wishing for you. Ooh, ooh, try to feel what love is doing. Ooh, say, say, say, hey, hey, now, baby. You gon' make me hit you with that lay down, baby. Say, say, hey, hey, now, baby. You know what I need, not to get enough, baby. Tell me, tell me if you love me or not. Love me or not, love me or not. I got the house on you, I'm lucky or not. Lucky or not, lucky or not. You gotta tell me if you love me or not. Love me or not, love me or not. I'm wishing for you, I'm lucky or not. Lucky or not, lucky or not. Baby, both of us should know better. Que j'ouvre un peu les yeux sur toi. Je me fous de ce que tu penses. Moi je parle à l'évidence. Nous ne passerons pas l'hiver cette fois. Il est midi sur novembre. Je t'ai perdu dans la chambre. La pire en temps désert. Crois-moi, j'ai déposé des cendres dans le cendrier des anges. J'irai revoir la mer Il est midi sur novembre et Dieu sait que je tremble. Tu dois te réveiller sans moi. Il est midi sur novembre, nous ne partirons pas ensemble. Mon cœur a décidé pour toi. We'll be fine. Et le soleil peut te prendre, que j'ouvre un peu les yeux sur toi. Il est midi sur novembre, nous ne partirons pas ensemble. Ton cœur a décidé pour moi. Ensoleillé, pensez à l'épargne pension de Fédéral Assurance. Énergie. Aujourd'hui, journée des enfants, mercredi 5 décembre, il est 6h02. Bonjour ! Bonjour ! Ah, le mercredi, je te chéris pas du tout. Je t'aime pas, mercredi. Sache-le. Mais attends, t'aimes bien quel jour ? Parce que t'aimes pas le lundi. T'aimes pas le mardi parce que c'est après le lundi. T'aimes pas le mercredi parce que c'est milieu de semaine, t'es fatigué. Ouais. Et t'aimes bien quel jour ? Vendredi, il est pas mal. Le vendredi, j'ai jamais été trop fâché avec lui. Hein. On s'entend bien. Samedi, dimanche, on est poteau. Mais voilà. Ouais, je sais pas, le mercredi, on est décidément pas fait l'un pour l'autre. En tout cas, toute l'équipe est là comme chaque matin pour bien démarrer cette journée. Il y a Jérém. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Marco. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Moi, j'aime bien le mercredi. C'est vrai ? Ouais. Oui, quel mytho, celui-là regarde sa tête. Non, ta tête dit le contraire. Oui, je suis crevé. Mais j'aime bien le mercredi parce que parce qu'il y a la Kids Line. Ouais, ça c'est vrai. C'est la journée des enfants Kids Line tout à l'heure à 7h35. Ça va être un bon petit moment, ça. Et puis parce que c'est milieu de semaine. C'est vrai, c'est le nombril. Hein. On se dit qu'on a fait la moitié. Ouais. Mais du coup, il reste aussi l'autre moitié. C'est ça le problème du mercredi. Je te jure, je vais l'appeler mercredi maintenant mon nombril. Il y a Frisco aussi qui est là ce matin, bonjour. Bonjour tout le monde. Ça va bien ? Mais écoute, très bien, moi ça va, j'ai bien dormi hier, donc tout va bien. Bon, arrête hein. Je te jure, j'ai fait une sieste et j'ai dormi tôt. Oula ! Mais j'étais explosé. Oh, le combo, fieux. Ah, j'ai fait un combo, mais de la mort qui tue. Moi, je ne tiens plus le coup. J'ai dit à ma femme, passez 8h, papy, il dort. Je tiens pas. À 8h ? Je tiens pas, même on met un film et je regarde 5 minutes, puis pouf, je dors. Je m'endors. Mais c'est ce que j'ai eu en faisant ma sieste. J'ai voulu regarder un dessin animé, un film Disney, et je suis tombé endormi après 5 minutes. Donc voilà. Frisco est encore un grand enfant. Ouais, ça va. Il y a Tiffany qui est là au standard aussi. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour Marco. Ça va mieux ? Ben ça va un petit peu mieux. Mais moi aussi, j'ai fait une sieste hier et je me suis réveillée un peu malade. Donc, elle m'a appelé direct. Elle m'a fait flipper. Dès que je vois Tiffany sur mon téléphone, généralement, c'est pas bon signe. Tu vois. Allô ? Mauvaise nouvelle. Elle me dit non, pas vraiment. Mais bon, je vais peut-être pas être là demain. Si, j'allais quand même venir. Mais bon, voilà. Après. Bon, elle vomit partout, mais c'est pas grave. Je ne savais pas dans quel état. Appelez-moi Vomito. Elle est là. Vomito est avec nous maintenant. Ouais. Courage, parce que c'est vrai que là, on va rentrer dans la période aussi où tout le monde va encore avoir la crève. Deuxième épisode. Mais le pire, c'est qu'elle veut tous nous dire bonjour. Mais pourquoi mais tu fais ça ? Mais non, mais tu sais, il y a un côté où dès que j'arrive, je dis non, les gars, je fais pas la bise parce que je suis pas bien. Et puis au fur et à mesure de la journée, comme tout le monde vient te faire la bise, bah, au final tu zappes parce que c'est l'habitude. Oui, mais là on est en début de journée. Ouais, c'est vrai. Elle avait déjà oublié. Après, je trouve ça injuste de pas vous avoir dit bonjour parce que je vous aime bien, mais dire bonjour aux autres, donc après je vais zapper que. Ouais, bah garde tes trucs. Ouais. Hein. Vraiment, c'est pas très grave si tu me dis pas bonjour pendant quelques jours. Moi je vous aime, je vous fais plein de gros bisous. C'est gentil. Aurélie de la Reda qui est là aussi ce matin, bonjour. Bonjour, et je vais devoir aller en quarantaine alors parce qu'elle m'a fait un bisou. Elle t'a embrassé. Mais moi aussi, c'est ça que moi aussi. Hein. Mais, ah ben, moi non, je lui dis non, dégage. Ah ben, demain, tu fais l'émission tout seul. Hein. Bon, voilà. Merci Tiffany, t'as compris le truc. Comment voilà. Il y a un petit point sur la météo quand même pour aujourd'hui, Aurélie. Ah ben, des nuages et de la pluie. Et puis attention sur la route ce matin parce qu'il fait assez froid, donc il y a des risques de verglas. Oh. Sinon, aujourd'hui, entre 5 et 11 degrés. Oh là là, courage, ça commence. Vous l'avez dit. Ça a piqué, chef. C'est bien, on est le 5 décembre. Bah pour Saint-Nicolas, c'est normal. Hein. Oui, bah oui. Bah oui, c'est vrai, c'est demain. Cette nuit. On va en parler tout à l'heure. On va faire le calendrier de l'avant dans un instant, juste après Dean Lewis sur Énergie. Il est 6h06, okay. On va manger. On va faire. You look away from me. And I see there's something you're trying to hide. And I reach for your hand, but it's cold. You pull away again. And I wonder what's on your mind. And then you say to me, you made a dumb mistake. You start to tremble and your voice begins to break. You say the cigarettes on the counter weren't your friends, they were my mates. And I feel the color draining from my face. And my friend said, I know you love her, but it's over, mate. It doesn't matter, put the phone away. It's never easy to walk away. Let her go, it'll be alright. So I still look back at all the messages you'd sent. And I know it wasn't right, but it was fucking with my head. And everything deleted like the past year was gone. And when I touched your face, I could tell you're moving on. But it's not the fact that you kissed him yesterday. It's the feeling of betrayal that I just can't seem to shake. And everything I know tells me that I should walk away. But I just wanna stay. And my friend said, I know you love her, but it's over, mate. It doesn't matter, put the phone away. It's never easy to walk away. Let her go, it'll be okay. It's gonna hurt for a bit of time. So bottoms up, let's forget tonight. You'll find another and you'll be just fine. Let her go. Sur Énergie, bon réveil avec nous, bonne matinée avec cette bande de fifous comme chaque matin dans la bonne humeur. On va démarrer la journée avec le calendrier de l'Avent, comme beaucoup d'entre vous, je suppose. Enfin, Aurélie, j'ai pas compris ton concept. Toi, tu le fais le soir en rentrant. Mais c'est pour ma fille et le matin, il n'y a pas le temps, donc on le fait après l'école. Ah, tu manges pas le chocolat? C'est pour ta fille? Ouais. Ah, j'ai cru que t'en avais acheté un en double pour toi, en mode ma fille le fait, bougie. Non, même pas. C'est vrai que pour l'année prochaine, tiens, je vais y penser. Ah ouais, bah attends, mais moi j'ai un enfant, je me fais le calendrier x2. Hein. Mais oui, moi, je serais une mauvaise mère, je pense que je mangerai le chocolat avant pour moi. Oh, mais non. Moi je le fais x3, je dis que c'est pour ma femme, mais en fait c'est pour moi aussi. Regarde, papa il va te montrer. Oh, t'as pas compris, papa il va te remontrer. T'as et toujours pas compris. Ah là, je suis obligé de manger le tien. Hein. Une bougie pour papa. Ah non, clairement. Et ben, nous avons un calendrier de l'Avent, nous aussi, les fifous. On remercie d'ailleurs Kelly qui nous a offert ça parce qu'elle avait gagné les 1500 euros de shopping et elle est venue nous remercier. Et elle nous a offert un calendrier, un très beau calendrier, à 60 euros le calendrier. J'adore ce qu'elle nous a offert le cadeau. Elle nous a dit, oh, les gars, c'est 60 balles quand même. Donc... Kelly, on ne dit jamais le prix d'un cadeau. Elle n'a pas compris le concept du cadeau. Non, c'est pas grave. Alors, on a un peu zappé la journée d'hier, je tiens à le dire aussi. Oh, on a un jour de retard. On a oublié celui d'hier. On a oublié celui d'hier, celui qui est pour normalement pourquoi Tiffany. Pourquoi on ne pense pas qu'à la bouffe hein. Donc on a fait... Tu le veux ou pas ou tu vas t'en faire dessus? Non, moi je vais. Non, vaut mieux pas que je le prenne. Vomito passe son tour. Non, mais c'est bon, on a compris, c'est pas grave, ce sera pour nous. Allez, Aurélie. D'abord celui du jour, celui du 5. Du 100. Attends, parce qu'il faut que je cherche, parce qu'il y a des reflets. Ah, ça y est, je l'ai trouvé. Alors, il y a des reflets. Moi j'ai eu un super bon il y a deux jours. Ah ouais, bah, il a l'air pas mal. Auré, tu viens? Oui. Montre un peu, c'est quoi? C'est une praline. Mais d'accord, mais à quel goût? Mais deux secondes, parce qu'il faut que je retourne. C'est quoi, la boîte, c'est une praline? Bah ouais, ça on sait, c'est pas un crayon. Ah. Hein. Alors, calendrier de l'Avent, c'est quoi une praline? Bah oui, c'est logique, oui. C'est la praline. Ah, c'est Philippe. Je vais manger Philippe. Ouais, c'est parce Philippe. Que ça a l'air chocolat, hein. C'est pas. Chocolat. Et alors, crunchy praliné with Belgian waffles filled with. Fraîche florale honey from son bref. Eh ben on appellera en Angleterre pour le prochain ragoût. Oh, j'ai compris qu'il y avait de la gaufre. En fait c'est de la praline crunchy là avec des gaufres belges. Ça a l'air super bon. Avec de la fleur de miel. Je crois que c'est plutôt Mathilde que je suis en train de manger. Ah ben c'est pareil alors. C'est avec des amandes, des cacahuètes et tout ça. Oh, vous nous avez fait rêver. Merci les copains. I'm a wreck. Crash at my place, baby, you're a wreck. Needless to say, I'm keeping a check. She was a bad, bad, nevertheless. Calling it quits now, baby, I'm a wreck. Crash at my place, baby, you're a wreck. Digging in a bad way, losing your grip. Screaming at my face, baby, don't trip. Someone took a big L, don't know how that felt. Looking at you sideways, party on tilt. Ooh, certain things you just can't refuse. She wanna ride me like a cruise, and I'm not tryna lose. Then you're left in the dust, unless I stuck by ya. You're a sunflower, I think your love would be too much. Or you'd be left in the dust, unless I stuck by ya. Time I'm walking out, I can hear you telling me to turn around. Fighting for my trust and you won't back down. Even if we gotta risk it all right now. I know you're scared of the unknown. You don't wanna be alone. I know I always come and go, but it's out of my control. And you'll be left in the dust unless I stuck by you. You're the sunflower. I think your love would be too much, or you'll be left in the dust unless I stuck by you. You're the sunflower. You're the sunflower. Il est terrible ce son. Le bon son énergie avec Post Malone à l'instant à 6h13. Très sympa ce Post Malone, vraiment. Génial. Et je pense que c'est la BO du nouveau Spider-Man. Ah ouais, Spider-Man, il y a un Spider-Man qui vient de sortir en mode dessin animé, etc. Et je pense que c'est la BO. Eh ben pas mal, très sympa. Bon, ouais, Spider-Cochon. Spider-Cochon. Dans un petit instant, c'est notre cousine, parce qu'on a déjà un parrain, Claudio Capello, on a une marraine, c'est Jane, et on a une cousine maintenant, c'est Léa Passy. Ouais. On cherche un passage sans boussole. Elle est avec nous vendredi pour l'émission publique, et puis d'ailleurs, bah tiens, on va remettre le couvert, ça sera le 21 décembre, on va vite y être. Hein. Ça va on sera habillé comme le 31, c'est pour ça que tu pensais au 31. On sera sur notre 31, le 21. C'est vrai ça. Vous pouvez vous inscrire, c'est sur energie.be dès maintenant. Et vous venez avec nous donc le 21 dans l'émission en public avec une artiste qui va être là, qui va faire vraiment plaisir. Elle est un peu fofolle en plus à ce qu'on m'a dit. Hein. Elle est un peu, je vois un peu, enfin quand je dis fofolle, c'est méchant. Hein, c'est elle est joyeuse. Elle est joyeuse, voilà. C'est Alice on the Roof qui sera avec nous le 21. Le nouveau aussi avec, enfin le mood c'est celui-là le nouveau, mais l'ancien nouveau. Alice on the Roof avec nous le 21 décembre pour l'émission en public. Inscrivez-vous, energie.be, vous venez avec qui vous voulez. Vous êtes les bienvenus les amis, vraiment, on vous attend avec impatience. Venez et puis bah voilà, on profitera tous ensemble. Dans quelques minutes, on joue à l'enchère. Ah, j'aime bien ce jeu, vous savez, c'est que je vous demande par exemple, donnez-moi des marques technologiques par exemple. Technologie. Apple, Samsung. Voilà, et c'est en ping-pong comme ça. Okay. Et enfin, c'est génial. C'est l'enchère. C'est dans quelques secondes, bougez pas. C'est le 6-9. Salut, c'est Broken Back. Salut, c'est Klingon.

s'arrêter un instant, enlever le gris des couleurs des sentiments. Envie de parcourir la terre, à l'endroit puis à l'envers, toucher du bout des doigts nos rêves tant qu'on peut le faire. Si on rêvait plus fort, passage sans boussole, en dérapage, on survole, on prend les virages, on colle au sol. Y'a pas de stage, pas d'école. Alors on prend des notes au vol, les photos de nous qui dénotent, on les décolle. On prend des notes au vol, les photos de nous qui dénotent, on les décolle. On perd la mesure du temps, on attend, on s'y part maintenant. Mais les pages qu'on tourne s'écrivent dans les tourments. On cherche un passage sans boussole, en dérapage, en survol. On prend les virages, faut coller au sol. Y'a pas de stage, pas d'école. Alors on prend des notes au vol. Les photos de nous qui dénotent, on les décolle. On prend des notes au vol. Les photos de nous qui dénotent, on les décolle. On cherche un passage sans boussole, en dérapage, en survol. De nous qui dénotent, on les décolle. C'était un super bon moment avec Léa Passy quand elle était venue nous voir vendredi dernier. Elle est adorable, elle est super mimi. Et elle est vraiment cool, on a rigolé avec elle, c'était vraiment top. Ouais. Et elle chante trop bien. Et elle chante super bien. Allez voir les vidéos. C'est pour ça qu'elle est chanteuse. Moi, tu sais, il y a certains chanteurs qui. Hein, c'est vrai. Vous pouvez évidemment vous inscrire energie.be pour la prochaine en public, c'est le 21 décembre. Et on aura cette fois-ci Alison de Roof. Voilà, ça sera très sympa. Dans un petit instant, Ed Sheeran qui va arriver et on va jouer avec l'enchère. Et je me rends compte que j'ai expliqué des règles qui ne sont absolument pas celles de l'enchère. Les gars, il est 6h23, on se réveille. Hein, donc doucement. Non, l'enchère, en fait, évidemment, c'est l'enchère, le concept de l'enchère. C'est-à-dire que je vous demande, donc c'est en effet bien des marques, par exemple, d'ordinateurs, et je vais vous demander combien vous pouvez m'en donner. Voilà. Alors, allez, tu dis, voilà, moi je t'en donne 12. Ah bon ? Bah, moi je t'en donne plus. Ou moi voilà. Je t'en donne moins. Et tout ça en 20 secondes, évidemment. Donc vous enflammez pas, je t'en donne 300. Bah, vas-y, en 20 secondes, fais-toi plaisir. C'est ça. Allez, premier affrontement, Tiffany face à Jerem. Ouais. Ah, ok. L'enchère. Je laisse l'honneur à Tiffany. C'est vrai, il me faudrait un truc comme ça, en fait. Ouais, en mode... Dans le Massachusetts. Dans le New Jersey. Tiffany, Jerem, vous allez me donner des marques de boissons. Combien tu peux en donner, Tiffany ? En 20 secondes. 6. 7. 8. Réfléchissez bien, c'est en 20 secondes. Ok, vas-y. Oh, allez. Allez. 8 en 20 secondes, 3, 2, 1. Coca, Fanta, Sprite, Fusty. Grimbergen, Chimay, et Jupiler, et Lederman. Non. Si non, si non, mais non, ça marche pas. Ben si non. Mais non. Ben pourquoi? Mais parce que c'est quoi, une marque de boisson. Mais non. Ben Leadermans là. Non, ben non. Ben si, pourquoi? Non, c'était juste pour t'ennuyer. Ça, c'est vrai. Donner des marques de bière, c'est facile, hein. Ah ouais, mais j'avais des dit marques de boisson. J'avais dit boisson en soi, donc. T'as tenté, t'as perdu. Un point pour Tiffany. Tiffany, elle a bien donné le truc. Hein. Face à Frisco. Oui. Et vous allez me donner des animateurs belges. Okay. Télé ou radio ou les deux? Les deux. D'accord. Animateurs belges. Combien, Tiffany? En 20 secondes. 7. 7? 7? Yes. Vas-y. Il y a le vie de ma mère qui s'est pas en donné 7. Jean-Michel Zeka, Sophie Pandeville. Non, mais des animateurs. Ah, animateurs! Patrice! Ah d'accord. T'en recommences. Ouais, alors attends, je remets. Jean-Michel Zeka, animateur. Jean-Michel Zeka, Marc Isaïe, Stéphane Van Bellingen, Jacques Van Den Bigelaar. Allez. Dans la moitié. Allez, comment est-ce qu'il s'appelle encore? Marc-Antoine là. Marc-Antoine. Hein? Non, c'est pas lui. Oh, elle en a fait 4. Oh, oh, c'est ballot, et c'est perdu. On a un ici à côté de toi. Bah ouais, c'est vrai, et en plus, vous êtes, vous. Oui, je sais pas pourquoi tu t'es compliqué la tête, tu pouvais déjà en sortir pas mal là dans bah le studio. Ouais, c'est vrai. Et même tous les animateurs énergie, Radid, tu vois, Vince, il y en a plein quand même. Ouais, c'est vrai. Ils sont embarqués avec tous les autres. Il y avait la maison à faire avant le reste. Bah ouais, c'est vrai, mais j'y ai pas pensé. Elle m'a perdu. Elle préfère les autres que sa propre maison. En même temps, il est 6h26. Un point en moins pour toi, Tiffany, ça ne fait qu'un point du coup, et un point pour Frisco. Merci. Ah ah, fais-moi la maline, hein. Ouais. Qui de vous deux va gagner? C'est Jérém et Aurélie qui vont le déterminer. Si Aurélie gagne, c'est Tiffany. Si Jérém gagne, c'est Aurélie. Frisco. Allez, Frisco. J'ai confiance en toi. Ouais, moi aussi. Attention, vous représentez les gars. En toi. Ouais, j'ai confiance en moi. Aurélie. Oui. Jérém, combien de mots qui démarrent par Z vous pouvez me donner? Oh, moi j'ai confiance en Aurélie. Vas-y, Auré. Girl power. 3. Mais vous pouvez pas réfléchir non plus trop longtemps. On est un peu à la bourre. Vas-y, vas-y, vas-y. 3, c'est tout. 3, facile. 4. Et je dois gagner quand même. 4. Allez, Auré. Girl power. Allez, 5. Vas-y, go. Zoo, zèbre, zoophile, zoophilie. Et zygomatique. Ouais, yeah, ouais. On a gagné. Victoire des filles ce matin. Victoire des filles, incontestable. Elle a quand même sorti 3 avec Zoo. Bah, oui, c'est des mots commençant par Z. Oui, un peu bizarre quand même, Chérie. Zoo, zoophilie, super. Dans les animaux, Chérie. Walking down 29th and Park, I saw you in another's arm. Only a month we've been apart. You look happier. I saw you walk inside a bar. You said something to make you laugh. So that both your smiles were twice as wide as ours. Yeah, you look happier, you do. Ain't nobody hurt you like I hurt you. But ain't nobody love you like I do. Promise that I will not take it personal. Baby, you look happier, you do. My friends told me one day I'll feel it too. I could try to smile, hide the truth. I know I was happier with you. Hey, yeah, hey, yeah. Bon mercredi avec nous sur Energy, 6h29. Dans un instant, Calvin Harris, c'est Sam Smith qui vont arriver côté hit. Les infos café à 6h35. Il y a du lourd ce matin pour vous. Des belles, belles petites infos et une belle histoire aussi à vous raconter. Oh, trop bien. Ça arrive pour la suite, bougez pas. I always say what I'm feeling. I was born without a zip on my mouth. Sometimes I don't even mean it. It takes a little while to figure me out. I like my coffee with 2 sugars in it. High heels and my jewelry dripping. Drinking, I get all fired up. Insecure, but I'm working with it. Many things that I could get rid of. Ain't nobody keep it up. I made a few mistakes, I regret it nightly. I broke a couple hearts and I wear on my sleeve. My mama always said, girl, you're troubling. And now I wonder, could you fall for a woman like me? And every time we talk, a woman like me. Soon as as I brush up on them, I could tell they like me. You know all the man them, I try to swipe me. Now that we could afford to ice me. Tell them that's the bad for me, bitch, you know your area. But the more bad bitches, then the more merrier. Baddies to my left and to the right, a little scarier. Dude, boy, tell me, can you handle all this dairy? A million, I'm getting my billion. Greatest of all time, cause I'm a chameleon. I switch it up for every era, I'm really bomb. These bitches really wanna be Nicki, I'm really mom. Apple cut the check, I want all this money. Seven up, go grip the tech, and leave all this bloody. It's the queen and little mix, skated on, I'm sorry. My daddy is Indian, all is curry. Nom de nom de nom de nom. Vous avez oublié quelque chose? Mais oui, du gruyère pour mon gratin. Arrêtez-vous aussi chez Kiwet pour vos achats de dernière minute, ouverts tard le soir. 6h31 sur Énergie, Camilla Cabello, Calvin Harris, c'est ce qui va arriver pour la suite de vos hits préférés. L'actu et la voici la météo. On aura des nuages et de la pluie aujourd'hui. Côté température, entre 5 degrés au sud du Sion Sambre-et-Meuse et 11 degrés partout ailleurs. Pour nous informer sur l'actualité de ce mercredi 5 décembre, c'est Aurélie Adam qu'on retrouve. Bonjour Aurélie. Bonjour Marco, bonjour à tous. Charles Michel se tourne vers le Parlement. Il a besoin de son avis sur le fameux pacte de l'ONU sur l'immigration. Un pacte qui a pour mission de protéger les droits des migrants et de renforcer la liberté de circulation. Le Parlement doit donc se prononcer aujourd'hui sur le sujet. Tous les partis devraient soutenir le texte, à part la NVA. Quoi qu'il en soit, le Premier ministre participera bel et bien au sommet de Marrakech, sommet qui s'ouvre lundi. Les agriculteurs ne participeront pas au rassemblement des Gilets jaunes samedi à Bruxelles. La fédération l'explique, elle ne participera pas à ce rassemblement par crainte de débordement et parce que les revendications ne sont pas suffisamment claires. On passe au sport. En football, Courtrai et la Gantoise se sont qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe de Belgique. De leur côté, Zulte Waregem et Le Berscott sont éliminés. Pour un avenir ensoleillé, pensez à l'épargne pension de Fédéral Assurance. Quand j'écoute le 6-9, je me dis que n'importe qui peut avoir un boulot chez Énergie. Oui, oui, détendez-vous quand même. Pas tout le monde non plus. Hein. C'est pas les portes ouvertes à toutes les fenêtres. On est d'accord, on se calme dans les radios d'en face. Vous ne viendrez pas ici, calmez-vous. 6h33, bonjour. Bonjour. Calvin Harris, on écoute ça tout de suite. Et juste après, j'ai une info café avec une histoire trop mignonne. Oh oui, ça va être mignonnade. Are you high enough to excuse that I'm ruined? Cause I'm ruined. Is it late enough for you to come and stay over? Cause we're free to love, so tease me. Ooh. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Tonight. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Tonight. Is it loud or no? Cause my body is calling for you, calling for you. I need someone to do the things that I do. I'm healing on energy taking control. can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Tonight. Tonight. Bonne matinée tout le monde, dans un petit instant, c'est Camila Cabello. Consequences. Ah bah loving me when you want, hein. Who you want, where you want. Camila Cabello, ça arrive dans un instant, 6h35, voici les infos café de ce mercredi. Et je vais démarrer avec une histoire trop trop mignonne, de la mignonnade pour vous. On part en Écosse. C'est un enfant qui a envoyé une lettre en fait au paradis à son papa qui était décédé. Oh. Et il a reçu une réponse. Mais non. Mais ouais. Un petit garçon de 7 ans en fait qui avait envoyé une carte à son père et il avait marqué Monsieur le postier, pouvez-vous emporter ça au paradis pour l'anniversaire de mon papa? Merci. Voilà. Et ben sachez-le, le postier de la Royal Mail, donc en Angleterre, a fait un truc extraordinaire. Il lui a donné une réponse. Et il est carrément venu, il lui a donné le petit courrier. Et il a marqué, je voulais juste profiter de l'occasion pour vous contacter et vous expliquer comment nous avons réussi à livrer votre lettre à votre père au paradis. Ce fut un défi d'éviter les étoiles et autres objets galactiques sur la route du paradis, mais c'est bien arrivé. Sympa. Ah, trop mignon, sympa, c'est hyper mignon. Bon, il est en Angleterre, on peut se le dire, il ne l'entendra pas. Rien qui arrive au paradis. Mais c'est bien, c'est gentil et de la part si, de... Et Saint-Nicolas, arrête un peu. Oui, c'est vrai, oui. Il n'y a que des exceptions. T'es... D'accord, alors, à 7 ans, il gagne une fortune grâce à sa chaîne YouTube. Il s'est fait en un an un paquet de pognon. À votre avis, combien? À 7 ans, il a 7 ans lequel? 7 milliards. Non. On parle en millions. 7 milliards. Non, mais la démesure de Tiffany. 20 millions. On dirait un enfant, Tiffany. Combien? 17 milliards. Non, c'est pas 20 ça. Millions. 20 millions, Frisco. Et ben, c'est toi le plus proche. 22 millions de dollars en un an, en à 7 ans, grâce à sa chaîne Qu'est-ce YouTube. Qu'est-ce qu'il fait? Et ben, en fait, il fait des vidéos avec ses jouets. Tu vois, avec lesquels il joue. Il fait des tutos avec ses jouets et tout. À 7 ans, qu'est-ce que tu veux faire? Tu commences à faire des tutos. Il fait des millions de vues alors. Il fait des millions de vues, ouais. C'est ouf. Hein. Comment, qu'est-ce qu'il s'appelle le petit? Ryan. Ryan. À 7 ans, il fait des tutos make-up. Normal. Non mais je trouve ça dingue. Il fait partie forcément, vous le doutez bien, des youtubeurs les plus riches au monde en étant le plus jeune. Oh purée. 7 ans, 22 millions. Ah bah ta vie démarre bien mon petit. On tape Ryan sur YouTube et tu trouves. Mais ma fille, elle a regardé ça. C'est vrai. Les tutos machin de jeu, elle adore ça quoi. Ryan Toys Review. C'est exactement ça monsieur. Non. Tout à fait. Et voilà, c'est le premier du classement des stars les plus riches de YouTube. Le mec, il a plus de gens qui le suivent que des gens qui habitent en Belgique. Incroyable. C'est incroyable. Il a 17 millions. C'est incroyable. De gens qui le suivent. Incroyable. Et il a 7 ans. 7 ans. C'est un truc de fou. Je vais me lancer dans la vidéo YouTube. Oui, mais non, mais. Non, t'es moins mignonne que lui. Donc, Non, fais pas ça, s'il te plaît. On tient pas à la fermeture de YouTube. Bon, évidemment, on arrive dans la période où il faut faire le chapin de Noël. Je dis chapin parce que pour ceux qui ont un chat, faire un sapin. C'est chapin. Non mais c'est vrai, t'as à peine retourné que ton chapin il est par terre parce que le chat il est grimpé dedans pour choper la bouboule. Ouais. Et ben j'ai la solution pour vous, pour tous ceux qui ont un chat et qui veulent quand même faire un sapin et qui n'ont pas envie qu'il soit ruiné. C'est génial, pour 42 euros, messieurs dames, 42 euros, je vous propose le sapin d'1m80 qui en fait n'a pas de pied quoi, j'ai envie de dire. Enfin de... En fait, il n'y a pas de partie en dessous, donc il n'y a pas de branche en dessous, il n'y a que les branches du dessus. C'est exactement. C'est un tronc, comme un long tronc. Et hop, les branches. Ouais, comme ça, il s'est pas monté. Bah, il va sauter. Évidemment. Hein? C'est moche en plus. Ah, on n'a jamais dit que c'était beau. Hein. on me demande du pratique, moi je fais du pratique. On peut en mettre du fil barbelé sur le sapin, comme ça. Oui, ça ira plus vite. L'esthétique, c'est pas mon rayon. Très rapidement, les deux petites dernières, c'est magique. Céline Dion, qui a été apparemment. Enfin, c'est un prêtre américain qui l'accuse d'être incontestablement satanique. Oh. Il dit carrément que c'est la conspiration d'un esprit supérieur et organisé. Déjà, on ne dit pas de mal de Céline. Elle a le garde au corps quand elle danse. En fait, il a entendu la chanson, je sais plus ça va être. Je vois le ciel. Ne danse aux violences et les neiges sont éternelles. J'irai où tu iras. Mon pays sera toi. Fallait pas la lancer, Marco. Je comprends qu'il a eu peur, le prêtre. Ouais. On en a un autre de diable, s'il veut, ici. La réincarnation. Exorcisme. Et alors, je finis avec ça. On en avait déjà parlé dans les infos café. Je trouvais ça sympa de vous donner la suite d'une histoire. Ah, il y a la suite. Oui. Je sais pas si vous vous rappelez du Néerlandais qui voulait enlever 20 ans de son âge. Oui, vous rappelez que j'avais parlé de qui ça. Qui veut rajeunir. Il voulait rajeunir de 20 ans. Et ben ça y est, le tribunal a répondu. Eh ben, ils ont refusé de le rajeunir de 20 ans. Voilà, calmer le mec. Ils n'ont pas voulu, non. Et en fait, donc, il est libre de se sentir 20 ans plus jeune dans sa tête, s'il veut. Il n'y a pas de souci. Mais modifier sa date de naissance ferait disparaître, en fait, 20 ans de dossier des registres de l'État civil. Ah, oui. Ah bah oui. Donc, ça entraînerait des conséquences juridiques et sociales indésirables. Donc, ils ont dit, monsieur, désolé, mais ça ne se fera pas. Oui, parce que lui disait, on peut changer de sexe, pourquoi pas changer de date de naissance. Tout à fait. Ouais, ouais, je me souviens, on en avait parlé. Hop là, sous le nez. Eh ben non. Voilà, tu restes un vieux. Tu resteras un vieux toute ta vie, mon pote. Courage. Voici Camila Cabello, le nouveau sur Énergie. On revient juste après avec des chiffres et pas de lettres. Sympa ce jeu, je vous l'explique. Issues, trust issues, glasses on the sink, they didn't fix you. Lonely pillows and a stranger's bed, little voices in my head. Sacred keeping, stop the bleeding. Lost a little weight because I wasn't eating. All the songs that I can listen to tell the truth. Loving you was young and wild. And free, loving you was cool and high and sweet. Loving you was sunshine, safe and sound, a steady place to let down my defenses. But loving you had consequences. Hesitation, awkward conversation, running on low expectation. Every siren that I was ignoring, I'm paying for it. Loving you was young and wild and free. Loving you was cool and high and sweet. Loving you was sunshine, safe and sound, a steady place to let down my defenses. But loving you had consequences. I'm loving you was sunshine, but then it poured, and I lost so much more than my senses. 'Cause loving you had consequences. h 44 sur Énergie, bonne matinée avec nous. C'est extraordinaire, je voulais vous parler de ça. Dans un petit instant, on va se faire des chiffres et pas de lettres. Mais avant, j'ai une petite info sympa pour vous. Il y a notre grande sœur Nostalgie. Vous savez, on vous en parle souvent de nos amis qui sont juste en face. Et ils organisent la traditionnelle récolte de jouets au profit des enfants les plus démunis. Je trouve ça génial. C'est le Magic Tour. Donc voilà, Magic Tour, il va falloir ramener vos jouets qui sont en bon état. Il est de retour, c'est reparti. On va récolter des jouets. C'est jusqu'au 8 décembre dans votre région. Alors attention, pour les jouets en bon état, c'est bon état. Hein. Ramenez pas un truc fracasse, ça sert à rien. Pas de peluche, pas de vêtements, ça sert à rien. Mais des jouets, voilà, des jouets, un bon vieux monop ou un, j'en sais rien, moi, des jouets pour enfants. Des Playmobil, des camions. Il y a de quoi faire, je pense. Vous pouvez ramener ça, voilà, c'est le Magic Tour, sincèrement, on compte sur vous. La prochaine date, on est quand même mercredi, ouais. Et ben aujourd'hui, tiens, ils sont shopping à Nivelles. Voilà, pour tous les Nivellois qui nous écoutent, allez faire un petit tour. Demain, ils seront au shopping des Bastions à Tournai. Le 7, c'est-à-dire vendredi, ils seront au Westland Shopping ici à Bruxelles, à Anderlecht. Excellent. Et puis on finira la tournée samedi 8 décembre au Shopping Cora à Recours. Voilà. Donc je compte sur vous, les petits chats. Et puis il faut mettre le record de l'année passée. Hein, ouais, grave. En kilos, parce qu'on calcule le nombre de tonnes de jouets. De jouets, ouais. Donc, et franchement, si on pouvait battre encore le record, puisqu'on le bat tous les jours. Ouais. Donc non, c'est top. Vraiment, je compte sur vous. Aujourd'hui, au Shopping de Nivelles, Magic Tour, les copains, amenez vos vieux jouets. Ça fera plaisir à ceux qui sont les plus démunis, qui leur permettront d'avoir un petit Noël. Et les piles aussi. Voilà. Les vieilles piles.

butterflies. You feel like paradise. Une sur Énergie, Jojo. Non, right now. Terrible. Ouais, ouais. On vous gâte ce matin, Jojo avec Live Get Out. C'est ce qu'on va écouter dans un tout petit instant. Avant ça, on va jouer avec Hélène. Hélène qui a un travail à temps plein, hein, puisqu'elle est maman au foyer. Elle s'occupe de quatre enfants qui s'appellent Jimmy, Dimitri, Rémi et Naomi. Elle est mariée à Michael et elle aime beaucoup la photographie. Et puis elle va à la piscine tous les mercredis avec ses petits bouts. En ce moment, avec son mari, ils ont fini la série Game of Thrones et ils attendent avec impatience la prochaine. Son plat préféré, c'est les scampi à l'ail. Ah, j'adore ça. Ouais. À fond. Bon, après, les autres aiment moins, parce que t'es une Hélène, mon ami, bonjour. Mais j'adore les scampi à l'ail. Bonjour, ouais. Hélène. Bonjour les tifous. Bonjour. Salut, bienvenue ce matin, Hélène, dans le 6-9. On va jouer avec toi et essayer de t'offrir du cadeau pour bien démarrer la journée. Ce serait chouette quand même. On va jouer à des chiffres et pas de lettres. En gros, je vais vous demander, comme je dis par exemple, le nombre de communes en Belgique, par exemple. Et vous me dites un chiffre, et c'est celui qui se rapproche le plus de la bonne réponse qui gagne. Tu as envie de jouer contre qui ce matin, Hélène? Il y a Tiffany, il y a Aurélie de la Rédac, il y a Jérém, il y a Frisco, et c'est tout. Alors, pas pour fâcher Aurélie, que du contraire, mais je vais l'éviter. D'accord. Je le prends bien, c'est un compliment. Je le prends bien, oui, tout à fait, je peux comprendre. Et parce qu'Aurélie, c'est notre Google. Que Jérém soit fâché. Parce que... Non, mais en fait, ce que tu vas fâcher, c'est celui que tu vas prendre, surtout. Bah, c'est ça, c'est peut-être ça. C'est Jérém. C'est Jérém. Voilà. Avec Hélène, vous allez vous affronter à des chiffres et pas de lettres. Tout simplement, je vous pose des questions, vous donnez la réponse et puis on voit lequel des deux est le plus proche. Ok. Merci Hélène. Désolée. On y va, voici des chiffres et pas de lettres. C'est le montant auquel s'élève la fortune de la famille Rothschild. Hélène. Oh bébé. Bonjour bébé. Le montant de la fortune de la famille Rothschild, à ton avis? Non, c'est pas ça. 2 milliards. 2 milliards, nous dit Hélène. 35 milliards. 35 milliards, alors vous êtes tous les deux, mais vachement loin. Mais ça reste Jérém qui est le plus proche. Ouais, c'est 200 milliards. 2000 milliards, 2100 dollars. Oh là là. 2000 milliards de dollars, c'est la fortune de la famille Rothschild. Je comprends quand ma mère me disait de petit, hey, je suis pas Rothschild. Hein. Mais clairement, c'était l'expression typique des parents. Ils ont gagné des sous comment? J'en sais rien, mais en vendant des montres, c'est pas possible. Rothschild, c'est quoi déjà? Du vin? Oui, il y a du vin, Rothschild. Bah, ils ont un truc maintenant. Ouais. Bah, en même temps, hey, j'ai envie de dire, avec 2000 milliards de dollars, fieu. Bah, pas me faire croire que tu peux pas en donner un petit peu pour que le monde tourne un peu plus rond, non? Je sais pas. Non, mais sans déconner, 2000 milliards, il te faut plus de 20 vies pour tout dépenser, et encore. C'est énorme. C'est énorme. Ils sont dans le milieu bancaire et financier. Voilà, tout s'explique. Merci bien. Eh bien, un point pour Jérém, Hélène. T'inquiète pas, tout est encore possible. Si je te dis que c'est la taille que fait une poupée Barbie. À ton avis, que fait la taille d'une poupée Barbie? Au centimètre près. Au centimètre, ouais, plus ou moins. 25 centimètres. 25 centimètres pour Hélène. Jérém, essaie de mesurer. 22. 22 centimètres pour Jérém, 25 centimètres pour Hélène. Hélène, bonne réponse, puisque ouais, c'est 29,2 centimètres. Bien joué, Hélène. Elle a des grandes jambes, Barbie. Hein. Ouais. Eh, hey, pas un grand cerveau, mais des grandes jambes. Elle a une grande maison aussi. Une grande maison aussi. Elle est mariée à Rothschild. 29,2 cm pour la taille de la poupée Barbie, ça fait un point pour Hélène. Si je vous dis... Oh non, pas ça, parce que Jérém, tu vas avoir la réponse, c'est pas juste. Mais bon, tant pis. C'est la largeur d'un but de football. Le goal, quoi. Combien ça fait de largeur, à ton avis, Hélène? Au centimètre près de nouveau ? Plus ou moins, ouais. En mètres, hein, là, on parle. En centimètres, ça... De football, là. Ouais. Un but, ça fait combien de largeur, à ton avis ? 5 mètres. 5 mètres, hein, pas mal, pas mal. Jérém ? 7 mètres, je dirais. 7 mètres, aïe aïe aïe, c'est Jérém qui est le plus près. 7,32 pour être exact. Wow, c'est grand quand même, hein. C'est on pas se mal. Rend pas compte, hein. Je comprends pourquoi j'arrive jamais à en mettre un. Trop grand pour moi, il me faudrait un truc plus petit, moi. C'est ça. C'est trop facile. C'est trop facile. On finit avec ça et on écoute Jojo tout de suite. C'est la durée de vie moyenne d'un poisson rouge. Durée de vie moyenne d'un poisson rouge, à ton avis, combien, Hélène ? En année ? 3 ans. 3 ans, la durée de vie d'un poisson rouge, ok. Jérém, pardon. J'irai un an. Un an. Eh bien, ce matin, c'est une victoire d'Hélène qui est le plus proche. Bravo ! Oh, la durée moyenne non. d'un poisson rouge. Ouais. Oh, les miens, ils ont jamais duré autant que je te le dis. Ouais, c'est pas parce que tu les jettes dans l'évier qu'ils ne meurent pas. Hein. Le record est de 43 ans. Incroyable hein, pour un poisson rouge. C'est dingue. Ouais c'est Nemo qui a le record. Bravo Hélène, on t'envoie du cadeau. Bonne journée à toi, Est-ce ma belle. Est-ce que je peux vous faire un petit clin d'œil ? Bien Vas-y. Sûr. Alors, je voudrais faire un petit clin d'œil à mon amour. Ouais. Qui est dans son camion de chez Tibi. Le camion 105. Ouais, ah, voilà. C'est précis, la plaque. Et alors, un petit clin d'œil aux gilets jaunes quand même. Ouais, bien sûr, évidemment, et courage, hein, tous ceux qui sont sur les routes dans le froid, courage à vous les copains. On t'embrasse Hélène, une très belle journée avec énergie. Merci également. À bientôt, bisous, bisous, bisous du cadeau pour toi. Merci. Je t'en passe Stéphanie pour le cadeau. Yeah. I've been waiting all day for you, babe. So won't you come sit and talk to me? And tell me how we're gonna be together always. Hope you know that when it's late at night, I hold on to my pillow tight. And think of how you promised me forever. I never thought that anyone could make me feel this way. Now that you're here, boy, all I want is just a chance to say. Avec notre DJ Snake qui arrive dans un instant et on va revenir avec des hallucinations auditives. On vous fait écouter des petits extraits de morceaux et on vous donne une hallucination auditive. C'est-à-dire que on vous dit en fait vous entendez ça et ben non vous entendez ça. Sauf qu'après vous allez l'entendre tout le temps. C'est affreux, je vous le dis. C'est juste après sur Energy DJ Snake aussi qui arrive. Alléluia, alléluia. Hermano sopram baba. Hermano Shao est là. Je suis toujours resté le même, je suis toujours resté le même. Je suis toujours resté franc, oui, comme ma première SACEM. 20 ans au-dessus de la mêlée, je ne sais pas m'arrêter, je sais que je devrais en laisser. Mais bon, je ne sais que les dresser, car j'ai ça dans l'ADN. Non, je ne sais pas faire autrement, je ne sais pas faire doucement. Je les entends me tailler, normal, on taille que les diamants. J'ai dû hériter de la baraque de mon voisin Zinedine. À la baraque, il y a une décennie de trophées, mais que des retournés à la Gareth Bale. Les baffes, leur donner le tournis quand tombent les tout derniers chiffres. De leur carrière, j'ai pas tourné la page, mais j'ai plutôt fermé le livre. Mélanger les styles et les gens depuis tellement d'années qu'ils n'arrivent plus à suivre, donc obligé ce soir de leur expliquer ce qui leur arrive. Viens, zoom, zoom, zoom. comme Diego dans la Bombonera. Comme Savastano dans la Scampia. On vient rentrer dans la leyenda. J'ai pas laissé mon ADN. Ah ouais, ah ouais. Me demande pas le juste prix. Le bail c'est de la frappe, tu paies. Ah ouais, ah ouais. Evry c'est méchant, méchant, méchant comme Marseille ou Chicago. Plata ou plomo. Tous les jours je vais péter le magot. J'ai toujours un flingue dans la vague. Shop présente la roue de Noël. Attention, faites tourner. Ouf, pas facile. Je propose un chemin de sable. Eh non, mauvaise voie, Steve. C'est un chemin de table que nous cherchions. Oh, j'ai fait fausse route. Eh oui, dommage, Steve. En ce moment, chez Colishop, jusqu'à moins 50% sur tout ce qui va en cuisine, sur la table et sous le sapin. Énergie. C'est nous. Ouais, bah, en retard, mon coq, hein. Rentre dans ta cage tout de suite, tu fais plus cocorico. Pour un avenir ensoleillé, pensez à l'épargne pension de Fédéral Assurance. Oh, on va le bouffer à Noël, celui-là, je te le dis, va moins faire le mal. Hein. Okay. C'est en deux sur Énergie, voici un point sur la météo et l'actu. Des nuages aujourd'hui avec de la pluie, des températures entre 5 degrés au sud du Sillon, Sambre et Meuse, et 11 degrés partout ailleurs. Mercredi 5 décembre, on s'informe avec Aurélie Adam. Bonjour Aurélie. Bonjour Marco, bonjour à tous. Charles Michel a reçu une délégation des Gilets jaunes hier pendant plus de 3 heures. Ils ont parlé de leurs difficultés quotidiennes, difficultés qu'ils attribuent à une perte de leur pouvoir d'achat. Le Premier ministre n'a pris aucun engagement. Il a juste promis de voir ce que le fédéral pourrait faire. Et puis les agriculteurs l'annoncent, ils ne participeront pas au rassemblement des Gilets jaunes samedi à Bruxelles. La fédération l'explique, elle ne participera pas par crainte de débordement, mais aussi parce que les revendications ne sont pas assez claires. Enfin, sport en football, Courtrai et la Gantoise se sont qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe de Belgique. Courtrai a battu Zulte 1-0. De son côté, la Gantoise a éliminé le Berscott en s'imposant 3-0. Le programme se poursuit aujourd'hui avec Moucron au stand. Ça sera à 20h. Malin Lokeren à 20h30. Dane The Pen 20h30. Et Charleroi Genk à 20h45. C'est mercredi. Eh oui. It's not unusual to be loved by anyone. Ah, j'adore cette chanson. It's not unusual to have fun with anyone. Il est trop fort ce Tom Jones. C'est mercredi. C'est la journée des enfants avec la Kids Line tout à l'heure, dans même pas une petite demi-heure. Vous allez pouvoir nous appeler. Et en plus, maintenant, on va parler d'un truc sympa. On va parler des parents. Ce qu'ils faisaient quand on était petit et qu'on détestait. Oh purée. Des trucs, des trucs affreux. Tu sais, quand ta maman, moi par exemple, elle avait toujours un vieux mouchoir dans sa poche. Ouais. Et elle avait le plaisir de m'essuyer la bouche avec son vieux mouchoir. Ça m'a dégoûté jusqu'à hier encore. Tu sais, le papa qui a le mouchoir en tissu et qui dit tiens, mouche-toi, et te le fout sur le nez et il souffle. Mais tu l'as déjà utilisé 5 fois, ton mouchoir en tissu. On va parler de ça avec vous dans quelques minutes. Il y a les hallucinations auditives. Ça arrive juste après DJ Snake maintenant. 7h04 sur Énergie. Bienvenue, bonne matinée. Báilame como si fuera l'última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bébé. Taki taki, taki taki rumba. Taki taki, taki taki, eres un besito, un naki. Nagasaki. Prende los motores Kawasaki. En la discoteca Jenny llegaron los Anonaki. No le baje. El puri sobresale de tu traje. No trajo panticito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe. Cuenta que no quiere, pero me tiene espionaje. El puri sobresale de tu traje. No trajo panticito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe. Cuenta que no quiere, pero me tiene espionaje. Báilame como si fuera la última vez. Y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki, taki, taki, taki, rumba. Touch it and tease it and squeeze it. Well, my piggyback is hungry, my nigga, you need to feed it. If the text ain't freaky, I don't wanna read it. And just to let you know, this punani is undefeated. Ay, he said he really wanna see me more. I said we should have a date where at the Lamborghini store. I'm kinda scary, hard to read, I'm like a Ouija board. But I'm a boss, bitch, who you gonna leave me for? You hoes got no class, you bitches is broke still. I be talking cash shit while I'm popping my gold grill. I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke still. The love be so fake, but the hate be so real. Sobresale de mi traje, no traje panticito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes. Dice que no quiere, pero se quiere comerle el equipaje. Báilame como si fuera la última vez. Y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki, taki, taki, taki, rumba. Sur énergie. Il est jaloux. Dadju avec jaloux, c'est ce qu'on va écouter dans un petit instant sur énergie pour vous côté 7h07. On va parler d'hallucinations auditives. Ah, j'aime bien ça. Vous savez, c'est quand on entend un truc dans un morceau, mais en fait, c'est pas ça du tout hein, qui dit, mais on l'entend quand même. Par exemple, si je vous mets cet extrait. Oui, c'est vieux, hein, c'est, forcément c'est du Ray Charles. Donc, ouais, mais on connaît. Fin... Vous avez entendu quoi? Mes fils sont good. Mes fils sont good. Mes fesses sont good. J'ai des puces au, au roubignol. Écoutez. Non. C'est ça. Au roubignol, on a au roubignol. Mais non, il dit couille, là. Ouais, bah ouais, mais non. Toi, t'es riche en ce moment. Hein. Allez, 5 euros. Je répète juste que ce que le chanteur Richard, a dit. Il a le droit, toi, tu peux pas. Et je tiens quand même à dire que là, tu bats les records. Hein. T'es à 256 euros. Oh le mec le plus riche de la bande, c'est Jerem. On continue. Avec un nouvel extrait des Gypsy King, Bambolelo. Bambolelo, Bambolela. Et avertis donc qu'elle descend par en haut. C'est ce qu'il dit. Et avertis donc qu'elle descend par en haut. Et bon, avertis donc qu'elle descend par en haut. C'est ce qu'on entend. Et avertis donc qu'elle descend par en haut. C'est génial. Énorme. Ça veut rien dire, mais c'est génial. Quiet Riot, Quiet Riot. Je ne connais pas ce groupe, mais c'est quand même mignon. Il y en a qui vont vomir dans leur pain. C'est ce qu'ils disent dans la chanson. C'est trop drôle. Avril Lavigne. Ouais. J'aime bien ça, Avril Lavigne. Ouais, ça fait longtemps. Eh ben, je vous fais écouter l'extrait d'abord. She did ballet. À votre avis? J'ai entendu elle, ballet, moi. Ouais. Elle chie des ballets. Elle chie des ballets, ouais. She did ballet. Bruno Mars, Mark Ronson avec Uptown Funk. Uptown Funk you up. Uptown Funk you up. Et bah c'est Hôtel Franck Dubosc. Hôtel Franck Dubosc. Excellent. On est pas mal. Black Eyed Peas avec I Got a Feeling. Ouais. Laisse les vélos. I got my Monty. Laisse les vélos. Écoutez, c'est vraiment ça. Laisse les vélos. Bon, ouais, bof, à 4 grammes, ça passe. Mais ouais, c'est ça. Quand t'es bourré en bois, tu comprends, laisse les vélos. Mais à part ça, non. Laisse les vélos aussi, il y est. Laisse les vélos. Ouais, mais il n'y a que ça, hein, parce que l'autre... Lionel Richie, All Night Long, tout le monde connaît. All night long. En Thaïlande, on nage,

Vous gagnez vos places pour la Énergie Live Session exclusive. Vous n'avez pas les passes. D'Orelsan. Ça va être énorme, ça. Je vous le dis, ça va être énorme. Orelsan dans les studios d'Énergie en concert ultra privé. Ça va se dérouler mardi prochain, le 11 décembre. Il va venir ici dans le studio. Et vous aussi, vous allez pouvoir être là. Et ouais. Cool. Et privilégié. Hein. Ah bah là, oui, on va être une petite cinquantaine. On peut pas faire plus privilégié que ça. Hein. On peut pas faire mieux. Mieux, c'est ils bouffent chez toi à la maison. Ça, non. Donc, quand même, faut pas abuser. Faut pas abuser. Orelsan en live session Énergie, ça sera le 11 décembre. Vous voulez venir avec nous? Et ben, c'est très simple. Il faut retenir la phrase Énergie. Je vais vous donner. Attention, open de guillemette. J'écoute le 6-9 sur Énergie chaque matin. En plus, c'est pas un mytho, c'est une vérité, ouais, vous pouvez le dire. Vous répondez, donc si jamais on vous appelle, vous répondez au téléphone, vous donnez cette phrase et vous repartirez avec vos deux invitations pour le concert ultra privé d'Orelsan. Il suffit de vous inscrire à énergie.be et via l'application énergie Belgique. Ouais. Petit, tout va bien. Et il va la faire en live celle-là. Hein. Tout va bien. J'espère bien. Tout va bien. Et imagine, il nous fait une surprise de dingue. Non. Toujours autant de pluie chez moi. Et Stromae arrive dans le studio comme j'ai coucou. On prend pas tes rêves pour des réalités. On va se détendre. On va se détendre. La surprise, c'est qu'il va, il va commencer à pleuvoir dans le studio avec cette chanson. Orelsan en live session le mardi 11 décembre. Retenez la phrase, inscrivez-vous maintenant. Energie.be, application Énergie Belgique. Et vous êtes avec nous le 11 décembre. Ça va être une tuerie, je vous le dis. Basique arrive. Et juste après, on parle de vos parents. Ce qu'ils faisaient ou ce qu'ils font que vous détestez. Oh ouais. Genre, m'appeler mon lapin. Ça suffit, tu arrêtes tout de suite. J'ai 31 ans. J'ai 31 ans, maman. Ça suffit. C'est le 6-9. Vous allez vivre un moment ultra privé, exclusif, avec votre star Énergie, Orelsan. Vous savez comment je m'appelle? Ça se prononce Orelsan. Énergie Live Session. Bonjour, c'est Orelsan. Vous n'avez pas les passes. Votre radio préférée vous invite pour un concert en toute intimité dans les studios d'Énergie à Bruxelles. Tout va bien. Découvrez les hits de son nouvel album en live. Et soyez parmi les 50 privilégiés à vivre cette expérience unique. Énergie tout le temps et gagnez vos places pour ce concert ultra privé, exclusivement réservé aux auditeurs d'Énergie. Alors, j'ai ce modèle-ci avec écran AMOLED Full HD. Ah ouais, mais le. Ou alors le celui-ci problème. Avec ses deux objectifs photo. c'est vrai qu'il est bien. Ouais, mais ou alors, regardez celui-là qui tourne sous iOS. D'accord, mais le souci est que. Oui, dites-moi. Bah, comme je vous disais, j'ai que 9 euros sur moi. Oui, 9 euros, j'avais bien compris. En ce moment, avec les abonnements mobiles de Proximus, vous recevez un super smartphone à partir de 9 euros. À vous de choisir. Infos et conditions sur proximus.be. Aldi et ce que certains en disent. On entend souvent du café Aldi, brouf. Pour un bon arôme, il faut choisir une marque chère et connue. Eh bien non. Chez Aldi, nous affirmons le contraire. Ça fait des années que des experts en café composent en exclusivité pour Aldi des mélanges uniques de grains de café issus des meilleures plantations du monde. Ça se goûte et des tests indépendants le prouvent. Vous en doutez? Découvrez tous les résultats sur qualitéprouvée.be ou mieux encore, goûtez vous-même. Aldi, pour que chaque jour soit particulier. 9, prématuré notre compte à rebours? Eh bien non, car chez Mercedes-Benz Vans, 2019 commence déjà maintenant. 2, 1, mais oui, nos offres salon avantageuses vous attendent déjà chez votre concessionnaire agréé Mercedes-Benz Vans. Venez vite et profitez d'un taux d'intérêt de 0% et d'un contrat de service avantageux à l'achat d'un Mercedes Citan, Vito ou Sprinter. Offre réservée aux professionnels. Infos et conditions sur mercedes-benz.be. Vans, born to run. Monsieur, bonjour, que puis-je faire pour vous? Oui, c'est pour... c'est pour un entretien. Ouais. Ça surchauffe ici, c'est lent, là. Ouais. C'est plus aussi vif, quoi. Oui, mais je vois. Mais vous aussi, vous auriez besoin de booster votre cerveau. Ah oui. Chez Switch, tous les produits Apple sont désormais fournis avec un accès gratuit au programme Booster votre cerveau. De plus, vous profitez de 6% sur tous les modèles Mac. Switch. Upgrade life. Conditions dans le magasin ou sur switch.be. Bonjour, c'est Randstad. Ok. Dites-moi, que faites-vous demain? Demain? Oui, demain. Le monde change si vite aujourd'hui qu'il vaut mieux être prêt. Bah, je suis prêt, je travaille en tant que videur. Videur? C'est pas vraiment un métier de demain. Mais si, j'empêche les hackers d'entrer pour une société de cybersécurité. Fight. Et voilà le travail. Je l'ai bien laminé, hein. Waouh, ok, je vous suis. Continuons à aller de l'avant, ensemble, avec Randstad. Et vous, que faites-vous demain? Randstad. Offrir un album photo pour Noël. Oh, mais quelle bonne idée! Il n'est pas plus personnalisé, n'est-ce pas? En effet, Seewe a été élu meilleur service photo du monde, justement pour ses superbes couvertures personnalisées avec finition en relief unique. Et en prime, recevez un magnifique coffret cadeau pendant les fêtes. Créez votre album photo CV sur seewe.be. Chez Brentano, nous savons que vous n'avez pas demandé au petit kilo de l'hiver de transformer votre jeans boyfriend en jeans skinny. Nous savons que vous n'avez pas demandé à ce qu'une chaussette rouge ajoute une touche de romantisme dans votre lessive de blanc. Et nous savons aussi que vous n'avez pas demandé à votre adolescent qu'il change de look toutes les deux semaines. C'est quoi ça? Heureusement, en ce moment, c'est les pré-soldes chez Brentano. Recevez 50% de réduction sur tous les articles marqués d'une étiquette rouge à l'achat de minimum 2 pièces. Conditions sur brentano.be. Chaque matin, j'ouvrais ma boîte mail, je lançais les applications, je naviguais sur le net. Mais à la fin de la journée, j'étais complètement vidé. Alors on me rechargeait, j'ouvrais à nouveau fenêtre après fenêtre et ainsi de suite, jour après jour, jusqu'à ce que je m'éteigne définitivement. Rapportez aussi les batteries usagées de vos ordinateurs dans un de nos points de collecte. Bebat leur donnera une nouvelle vie. Recycler ensemble, c'est mieux pour la nature. 7h21 sur Énergie, Basi et Camilla Cabello. Et un petit point sur les routes tout de suite, Aurélie. C'est relativement calme. Il y a quand même des ralentissements sur le 40, 39 minutes en plus entre Birbeck et Everlé. Sur le 411, quelques ralentissements entre Oullart et le carrefour Léonard. Vous perdez 14 minutes. Et puis au sud du pays, oh surprise, entre Stockheim et Sterpenich, vous ralentissez. Vous perdez 28 minutes. Beautiful, beautiful, beautiful, beautiful angel. Love your imperfections, every anger. Tomorrow comes and goes before you know. So I just had to let you know the way that Gucci look on you, amazing. But nothing can compare. The thunder, ain't nobody else that I be under. Beautiful, beautiful life right now. Beautiful, beautiful night right now. No, no, no. Hey, beautiful, beautiful, beautiful, beautiful angel. Love your imperfections, every anger. Tomorrow comes and goes before you know. So I just had to let you know. You know. 7h24 sur Énergie, bon mercredi. Avec dans un petit instant un hit qu'on adore. Yeah, oh come on, c'est l'artiste avec Ketchou. Ça va nous mettre bien ça hein. De bonne humeur ce matin sur Énergie avec l'artiste dans quelques minutes. Et puis là on va parler de ce truc de dingue quand même. J'ai envie d'en parler avec vous. C'est nos parents. On va parler des parents. On a tous nos parents et des fois c'est vrai, ils font des trucs qui nous énervent. On va parler de ce qu'ils font ou de ce qu'ils ont fait hein, quand on était plus jeune. Vos parents font ça et vous détestez, ça vous rend dingue. On en parle avec vous, 30-18 par SMS ce matin ou alors au 0800-234-56. Ça sera d'ailleurs aussi le sujet pour la Kids Line à 7h35. Ça va être drôle ça, avec les enfants. Avant ça, un petit tour de table rapidement. Tiffany, qu'est-ce que tu détestais que ta maman ou ton papa faisait? Moi, je me souviens quand on faisait les magasins avec ma maman et qu'elle me disait « Mais regarde ce pull-là, il est beau !» Et je disais, ah oui, et j'aimais pas forcément, mais je disais, bah oui, d'accord, allez. Après, le plus dur, c'était de le porter à l'école. Et voilà. Ah, toi, t'acceptais? Ah, bah ouais, parce que, au final, bon, ça va, il était pas. Enfin, il y en avait qui étaient pas si moches que ça. Mais le pire, c'est qu'elle le fait encore maintenant. Ouais. Ah, ça explique cela. Ma mère faisait la même chose. D'ailleurs, quand elle me disait, ah, c'est beau, je disais, oui, c'est beau pour toi. Maintenant, c'est ce que je dis. C'est ce que je dis. C'est beau pour toi. Ouais, pas mal. Aurélie de la rédac. Moi, c'est quand elle me mettait tout dans l'assiette et qu'elle me dit, il faut goûter. Même quand je disais que j'aimais pas, elle me dit, il faut goûter. Tu n'aimes pas, mais tu n'as pas goûté. Ben oui, mais ça pue, donc je n'ai pas envie de goûter. Ben, on était obligés. Clairement, et si ça. On voulait pas, paf, elle en remettait. Frisco, qu'est-ce que tes parents font puisque tu es toujours chez papa-maman, toi, c'est vrai. Ouais, ben, pour pas très longtemps. Hein. Ben non, c'est vrai, dans 2 mois, je déménage. Oh hey, et on remet le couvert. T'as vu, toute l'équipe va déménager au final. Ouais, c'est super. J'ai lancé la mode. Ouais. Et après, toute l'équipe va divorcer. Ouais. Alors, moi, c'est ma mère, quand j'étais petit, elle avait l'art de venir nous réveiller, mais avec des bisous improbables. Des bisous improbables. Ouais, donc, c'est-à-dire que généralement, ils font des bisous sur la joue, tu vois, genre, oh mon chéri, etc. Non, elle faisait au coin de l'œil, tu vois, sur le front, dans l'œil, dans l'oreille. T'es là, tu fais, mais d'où tu fais des bisous là? C'est ouais, nul. Tu devrais voir les positions dans lesquelles tu dormais aussi, hein, pour te réveiller, c'était pas évident. Bah, au pire, tu retournes mon visage et tu me fais un bisou sur la joue, mais tu me fais pas un bisou dans l'œil, quoi. Dites-nous, qu'est-ce que vos parents font et vous détestez ça, ça vous énerve. Vous nous en parlez ce matin, 30-18 par SMS. On nous a dit quoi? Mon père qui se gourre toujours le prénom avec ma copine, il l'appelle par le prénom de mon ex. Oh, ah, ça c'est relou, hein, j'avoue. On en parle avec vous après l'artiste. Dis-moi vraiment ce que t'attends de moi. Tu m'as vu, je t'ai vu, mais quand est-ce qu'on se voit? Je t'observe bouger, tapis dans le noir. Je veux bien essayer à prendre quelques pas. Et tu aimes te déhancher. Ouais, tu aimes danser. Ça se voit. Tu aimes te déhancher. Ouais, tu aimes danser. Got you, got you. Got you, got you. Got you, got you. Got you, got you. Ma terre sur ton chemin, tu les ignores, attends toi t'es sans gêne. Sans sommation t'envoie dans le coma. Et tes victimes se comptent par centaines. Pas la peine de tenter de m'assommer. Il ne faut jamais dire fontaine. Pour l'instant je t'ai pas promis le sommet. Je t'ai juste proposé un cocktail. Et de Panama Becao. T'as les kata kamen au chaos. Doucement doucement juste au chaos. Ce soir je ne serai pas ton pao. Et de Panama Becao. T'as les kata kamen au chaos. Doucement doucement juste au chaos. Ce soir je ne serai pas ton pao. Tu aimes te déhancher. Ouais, tu aimes danser. Ça se voit. Tu aimes te déhancher. Ouais, tu aimes danser. Got you, got you. Got you, got you. Got you, got you. Got you, got you. Got you, got you. Got you, got you. Got you, got you. Baby, I got you. Baby, I got you. Baby, I got you. Baby, I got you. Baby, I got you. Baby, I got you. Baby, I got you. Baby, I got you. Baby, got you. Baby, got you. T'es seul dans ta chambre et tu twerk. Attends. Baby, I got you. Baby, I got you. Baby, I got you. Got you, got you. Got you, got you. Got you, got you. Got you, got you. Got you, got you. Got you, got you. On adore. Got you, got you. Got you, got you. Ça fait plaisir un petit artiste comme ça là pour bien démarrer la journée. Ah ouais, la bonne humeur d'énergie avec vous les fufous du matin. 7h29. Dans un tout petit instant, on a les infos. Il y a Dinoro qui va arriver côté IT à 7h35. C'est la Kids Line. Et oui, vous avez moins de 12 ans. Appelez-nous ce matin. 0800 23 4 5 6. On fait ça juste après. À tout de suite. Even though we both know we're liars and we start each other's fires, we just know that we'll be alright. Even though we kicked out the party, cause we both hate everybody, we're the ones they wanna be like. So don't let me too close for comfort. I had to cut my bitch off, she being stubborn. I make it known I fuck with you, not undercover. And when I jump in, I'm burning rubber. Iced out body, didn't go to college. Price tag popping, then you on the block. Don't say sorry, everyone's watching. When you where I am, everything's timeless. And I don't wanna be so. Flûte dessus de flûte. Vous avez oublié quelque chose? Mais oui, des tomates pour mes tomates crevettes. Arrêtez-vous aussi chez Qwait pour vos achats de dernière minute, ouverts tard le soir. 7h31 sur Énergie, dans un instant, Dinoro, la Kids Line qui arrive, avant ça, l'actu et la pointe sur un moment le bête. Thomas. Pardon. T'as parlé une autre langue là, non? Oui. Un point sur la météo. On aura des nuages avec de la pluie aujourd'hui. Côté température entre 5 degrés au sud du Sion, sombre et meuse, et 11 degrés partout ailleurs. 7h32, on s'informe. L'actu de ce mercredi 5 décembre, c'est avec Aurélie Adam. Bonjour. Aurélie. Bravo Marco. Merci. Bonjour Marco, bonjour à tous. Charles Michel a reçu une délégation des Gilets jaunes hier. La réunion a duré plus de 3 heures. Les Gilets jaunes ont parlé de leurs difficultés quotidiennes. Des difficultés qu'ils attribuent à une baisse du pouvoir d'achat. Le Premier ministre n'a pris aucun engagement. Il a toutefois assuré que le fédéral allait chercher des pistes pour améliorer la situation. Et puis on l'apprend, les agriculteurs ne participeront pas au rassemblement des Gilets jaunes samedi à Bruxelles. La fédération l'explique, elle ne participera pas par crainte de débordement, mais aussi parce que les revendications ne sont pas claires. Le vote sur les aides à la promotion de l'emploi a été suspendu hier au Parlement wallon. L'opposition a réclamé l'avis du Conseil d'État. L'opposition qui accuse la majorité de ne pas avoir répondu à ses questions. Ce qu'elle veut, c'est que toutes les parties concernées puissent se faire entendre. Les APE ont été instaurées en 2002. Le système permet de soutenir l'embauche des demandeurs d'emploi. Il bénéficie actuellement à plus de 60 000 travailleurs. À l'étranger, la terre a tremblé en Nouvelle-Calédonie. Un séisme de magnitude 7,5 qui a déclenché une alerte au tsunami. Tous les habitants de l'île ont reçu l'ordre de se mettre à l'abri. On ne sait pas encore s'il y a eu ou non des victimes ou des dégâts. C'est la journée mondiale du volontariat aujourd'hui, l'occasion de vous saluer et de vous remercier pour votre engagement. À la Croix-Rouge, par exemple, chez nous, 11 300 bénévoles consacrent leur temps au service des autres. Enfin, en sport, en football, Courtrai et la Gantoise se sont qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe de Belgique. Courtrai a battu Zulte 1-0. La Gantoise a éliminé le Berscott en s'imposant 3-0. Le programme se poursuit aujourd'hui. À 20h, on a Moucron Ostende. À 20h30, Malin Lokeren et Daines Eupen. Et puis à 20h45, Charleroi Genk. L'info énergie. Et c'est comme ça tous les jours, évidemment, la petite info énergie de 7h30. On parle de quoi ce matin? On va parler frites. Ah, bah oui, c'est la semaine de la frite. C'est la semaine de la frite en Wallonie, donc j'ai décidé de vous parler de frites. On le sait, manger trop de frites trop souvent, c'est pas bon. Ah, bah non, pour les artères. Ah bon, voilà, cholestérol, blablabla, blablabla. Et donc, il y a des médecins américains qui ont défini la portion de frites idéale. Ah. Si vous mangez 2 à 3 fois des frites par semaine. Ah, oui, c'est déjà pas mal. Et hein. Vous allez être malheureux. C'est pas beaucoup. Je le sais. Non. Entre 12 et 15. Frites. Oh, c'est oui. Tout ça, ouais. Ça représente 140 calories. Et ça, si vous mangez beaucoup de frites toutes les semaines, eh ben 12 à 15 frites, ça représente pas beaucoup. Hein. Oh bah, du coup, ça dépend quelles frites. Hein. 12 à 15 frites, 3 fois semaine. Par exemple, eh oui, bah. Mais 12 frites, si t'en manges 4 à la fois, en 3 bouchées, t'as fini. Ah, c'est 12 frites au total? Ben ouais, qu'est-ce que 12... tu crois? Bah, ah, je crois que c'était 12 à chaque fois, moi. Donc je me dis, ça va, ça fait une trentaine de frites par semaine, t'en manges que 12. Ben oui, si, voilà. À chaque fois, si, mais à chaque fois. Ah, 12, eh ben, 12, c'est bien. Bâtonnets, c'est au lieu d'en faire 3, vous le faites une fois semaine et puis vous en mangez une trentaine et puis voilà. Alors, il y en a un, il va faire beaucoup parler de lui. Hein. Je cite ton nom, Eric Rim. Il travaille à l'école de santé publique d'Harvard, c'est aux States. Et lui, il dit que dans un fast-food, et il faut que le menu soit absolument servi avec une salade et, écoutez bien, 6 frites. Mais à quoi il sert, lui? Ouais. Oh là là, comment il s'appelle? Eric démission. Eric démission. 6 frites. Non mais 6 frites, c'est... Mais ouais. Ça va aller ou quoi? Non. Oh là là là. Et qui s'y prend 6 frites, hein? Oh, 5 balles. Quoi? Oh, il est riche. Mais non, mais arrêtez. Mais c'était naze, ça. Mais ouais, ah oui, mais bon, nul. C'était pour Eric. Il est riche, Jérém, la cagnotte. Il y va en ce moment. Le mec, il claque. Depuis lundi, je crois qu'il a mis au moins 200 ou 300 euros dans la cagnotte. Non, j'exagère, mais c'est hallucinant, quoi. Il y va, quoi. T'as mis au moins 20 balles. On rappelle la cagnotte, hein. C'est dès qu'il y a un mot grossier, dès qu'il y a une vanne pourrie, un retard cagnotte. Il est riche en ce moment, Jérém, je vous le dis. Merci, Aurélie. Je t'en prie. Pour un avenir ensoleillé, pensez à l'épargne pension de Fédéral Assurance. Vous connaissez le sens de l'humour? Bah, le 6-9 sur Énergie, eux, ils sont partis à l'opposé. Ouais, bah, on nous a pas donné GPS aussi, j'ai envie de te dire. On connaît pas toutes les directions. Évidemment. Tournez à droite. Faites demi-tour. Si on peut plus de cette phrase dans ton GPS. 7h36, bonjour. Bonjour. La Kids Line, juste après Dinoro. Dreams we had, the love we shared, this is what we're waiting for. And in my mind, in my head, this is where we all came from. The dreams we had, the love we shared, this is what we're waiting for. Avec nous sur Énergie, 7h39. On espère que tout va bien ce matin. Ouais, pour vous, Bad Bunny avec Drake, Mia. Ouais. Ouais. Ça va arriver dans un petit instant. Avant ça, 7h39. Voici, comme tous les mercredis aux alentours de 7h35, la Kids Line. Yeah. Vous nous appelez 0800 234 56. Vous avez moins de 12 ans et vous venez avec nous ce matin parler de quoi? On parle des parents. On parle des parents et de ce qu'ils font et qu'on déteste. On déteste ça chez nos parents. On en parle avec Thomas qui est là ce matin, 10 ans. Bonjour Thomas. Bonjour. Ça va bien mon Thomas? Ouais, très bien, et vous? Ouais, top. Saint-Nicolas demain, t'es prêt? Non, moi c'est samedi. C'est samedi? Ah d'accord, ouais. Oui, pas de soucis. Et ouais, il est un peu de retard. T'as commandé quoi? Plein de choses. Ah, bah c'est bien, bah écoute, t'as bien raison. Thomas, qu'est-ce que font tes parents et tu détestes ça? Bah, ce qu'ils font, tout simplement, c'est que quand il me ramène à l'école ou quoi. Ouais. Tout simplement, il commence à faire plein de bisous et tout. Et du coup, devant tous mes potes, moi, je me tape des rondes. Ah oui, les parents qui déposent les enfants devant l'école et... Ouais, ouais. Bisous, mon chéri. Ah, lâche-moi. C'est vraiment ça. C'est tellement ça. Comment elle s'appelle, maman Thomas? Alexandrine. Alexandrine. Ah. Eh bien, Alexandrine, oui, dépose Thomas un peu plus loin, s'il te plaît. Voilà. Enfin, il a 10 ans. Oui, bah, il faut bien commencer un jour. Hein. Non, accepte les bisous de la maman. Oui, ouais, voilà. Après, ça te manquera, tu verras. Évidemment. Ouais, mais à la fin aussi, c'est aussi. Ah, mon petit choubidoubidoubidou. Mais c'est normal, c'est tout l'amour de maman, mais c'est oui, pour ça. Voilà. T'as, hey, t'sais quoi, tu lui fais la même chose quand elle est avec des copines. Mais ouais, mais vous pouvez le faire à la maison, quoi. Ouais, mais c'est drôle, je te jure, quand elle reçoit des copines à la maison, tu fais « Oh, maman chérie, je te fais des gros bisous, bisous, bisous, mais t'es ma petite maman chérie. » Ça va, elle fait pas des bisous trop mouillés? Non, ça va. On te souhaite une belle journée, mon Thomas. À bientôt, mon pote. Ok. Bisous, bisous à toi. Thomas. Salut, mon Thomas. Bisous, bisous. Excellent. On a Rihanna. Mais c'est une blague? Non, c'est pas une blague. C'est génial. Bonjour, Rihanna. Bonjour. Hello. Bonjour. Rihanna. We missed you. Ah, it's got a pleasure. Ah, c'est trop sympa ça. Et les parents qui t'ont appelé Rihanna. Et rassure-moi, t'es fan de Rihanna. T'aimes bien ce qu'elle fait? Oui. Ah ouais. T'imagines? Non, je déteste. Je déteste. Elle est nulle. J'ai écouté Len Cigara. Rihanna, je m'en fous. Rihanna, qu'est-ce que font les parents que tu détestes? Quand mon papa il vient me chercher à l'école, ouais. Et que je suis dans une bande avec il y a un ou deux garçons et il y a mes copines, ouais. Et que je parle à l'un des garçons et il fait « Ah, c'est ton amoureux !» Dès qu'un garçon il dit que c'est ton amoureux. Bah oui, ça m'énerve. Oui, parce que c'est pas vrai, c'est pas ton amoureux. Ben non. Tu as un amoureux? Non. Ah. Ils sont trop moches. Ça, c'est la réponse de toute petite fille. Hein. C'est magique. T'as raison, ma chérie. Faut pas prendre ce qu'il y a pour l'instant si ça ne te plaît pas. Voilà. Et tu as le temps de toute façon. Évidemment. Oh là là, Rihanna, c'était un plaisir de t'avoir au téléphone ce matin. Bon, moi et t'as commandé quoi vite fait pour Saint-Nicolas? Parce que c'est demain quand même. Pour Saint-Nicolas, Tu sais pas. Les problèmes de riche. Ça va l'arranger, ça, Nicolas. S'il arrive devant ta maison, qui dit qu'est-ce qu'elle m'a demandé, Rihanna? Oh, je sais plus. Je sais plus. Ah oui, je m'en souviens. C'était quoi? J'ai demandé deux pots de colle pris parce que j'en ai plus pour l'école. Oh, mais c'est génial. C'est génial. On t'embrasse, Rihanna, et j'espère que t'auras tes deux pots de colle. Oui. Gros bisous à toi, ma chérie. Bisous. Gros bisous, bonne journée. Bisous Rihanna. Elle est trop, ah, elle est trop mignonne. On finit avec Andrea qui est là. Andrea, 7 ans. Bonjour Andrea. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que les parents font et tu détestes ça? Moi je déteste quand mon papa il me tape parce que j'arrive. Quand j'arrive à faire un morceau en 10 minutes. Quoi? Un morceau en 10 minutes? Il me tapait la tête. Il tapait. Alors attends, on va tout reprendre, on va mettre les mots, des consonnes, des voyelles et des verbes et tout ça, et ça va faire une phrase. Donc attends, papa, il te tape sur la tête quand tu fais quoi? Allô? Allô? Andrea? Ah, Andrea, il m'a juste dit en fait que. Oui, rien à voir, c'est une autre version. Oui, il m'a pas du tout dit ça. Il m'a dit qu'il n'aimait pas quand ses parents regardaient des films et que lui, il était au lit. Et puis quand sa maman léchait aussi son doigt pour frotter sa bouche. Ah, c'est le truc, je supporte pas ça, Andrea. Ah oui, oui, pour enlever le chocolat, lécher le doigt. Ah, arrête, c'était horrible. Bon, Andrea, c'est quoi cette histoire de taper tout ça? Faut tout dire, là. Andrea? Réexplique la situation depuis le début. Oui. De quoi? Andrea? C'est un truc de sourd ici, on comprend plus. Allô? C'est un coup monté ou quoi? Ah, mais tu es là, Andrea. Bah oui. Tu nous expliques un petit peu qu'est-ce que tes parents n'aiment pas? Qu'est-ce que tu n'aimes pas? Mes parents, ce qu'ils n'aiment pas, c'est... Non, ce que toi, tu n'aimes pas, Andrea. On va y arriver. Ça va être compliqué. Il est 9h. Oui. Andrea, à la une, à la deux... À la... Du coup, c'est maman qui explique la question. Moi, j'entends maman derrière, oui. Mais quand je viens voir papa et maman...

Colruyt suit toutes les promos des autres magasins et adapte ses prix. Colruyt, les meilleurs prix pour chaque produit, à chaque instant. Aujourd'hui, Decathlon rend hommage à Adnan. Salut! Pour les fêtes, Adnan souhaite toujours une bonne santé à ses potes. Mais cette année, il a décidé d'en faire plus. Parce que c'est mes potes. Et de leur offrir cette bonne santé. Il est donc allé chez Decathlon pour faire ses cadeaux. Massy a reçu une barre de traction. Tes épaules vont me dire merci. Igor, des poignées pour les pompes. Toi, tes pectos vont me dire merci. Et Romain, une roue de cross training. Mais je voulais juste un training. Hein. Et pas de problème, on va aller changer. Bravo à toi, Adnan. Parce que le sport, c'est le plus beau des cadeaux. Viens chez Decathlon. Magasin ouvert ce dimanche sur decathlon.be. Decathlon. Decathlon! Regarde-tu là comme il est bien fait. Ah oh oui, moi j'aime bien quand ils sont matures. Je le savais. Plus de 500 fromages de chez nous, à chacun son caractère. Une initiative de l'APACW. 7h51 sur Énergie, Lady Gaga avec Bradley Cooper côté hit. Vos parents font ça ou faisaient ça quand vous étiez plus petit et vous détestez, mais un truc de dingue. On en parle avec vous juste après l'infotrafic, Aurélie. Un accident s'est produit sur la Nationale 90 à hauteur d'Auvelay en direction de Namur. Attention, le passage est difficile, la situation est dangereuse. Sinon, il y a pas mal de ralentissements en direction de Bruxelles sur le 40. Vous perdez 15 minutes entre Berthem et Everberg. 26 minutes de perdu sur le 411 entre Overijse et Oudorgem. Sur le ring extérieur, ajoutez 27 minutes entre la Hulpe et le Carrefour Léonard. Sur le ring intérieur de la capitale, comptez 11 minutes en plus entre Halle et Heusingen. Et puis sur le 411 au sud du pays, entre Stockheim et Sterpenich, vous ralentissez, vous perdez 28 minutes.

cut it with a knife. I know it's more than just a friendship. I can hear you think I'm right, yeah. Do I gotta convince you that you shouldn't fall asleep? It'll only be a couple hours, and I'm about to leave. Do you got plans tonight? I'm a couple hundred miles from Japan, and I was thinking I could fly to your hotel tonight. Cause I can't get you off my mind. Can't get you off my mind. Can't get you off my mind. Aldi et ce que certains en pensent. Il y en a qui pensent, les marques Aldi, non, ça peut pas être aussi bien que les marques connues. Eh bien, ils ont tort. Parce que chez Aldi, pour faire baisser les prix, nous faisons des économies sur les coûts, jamais sur la qualité. Des tests indépendants le prouvent. De nombreux produits Aldi font aussi bien que les grandes marques. La différence, c'est les prix. Certains sont quasiment moitié moins chers. Découvrez tous les résultats sur qualitéprouvée.be ou mieux encore, comparez-vous-même. Aldi, pour que chaque jour soit particulier. Il est 8h01 sur Énergie. Bon mercredi. And you're listening to Énergie. Pour un avenir ensoleillé, pensez à l'épargne pension de Fédéral Assurance. 8h01, dans un instant, le duel énergie, évidemment, comme tous les jours à 8h05. Marshmello, côté IT, là, voici la météo pour aujourd'hui. Des nuages, de la pluie, c'est ce qui nous attend aujourd'hui, côté température entre 5 et 11 degrés. L'actualité de ce mercredi 5 décembre, c'est Aurélie Adam qui nous informe. Bonjour Aurélie. Bonjour Marco, bonjour à tous. On en parle depuis longtemps, le tax shift aura un impact sur nos salaires à partir du mois de janvier. D'après les calculs du spécialiste RH SD Works, la hausse moyenne des salaires sera de 36 euros. Les salaires les plus bas seront les plus avantagés. À l'étranger, la terre a tremblé en Nouvelle-Calédonie. Un séisme de magnitude 7,5 qui a déclenché une alerte au tsunami. Tous les habitants de l'île ont reçu l'ordre de se mettre à l'abri. On ne sait pas encore s'il y a eu ou non des victimes et des dégâts. Enfin, en sport, en football, Courtrai et la Gantoise se sont qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe de Belgique. Courtrai a battu Zulte Waregem 1-0. La Gantoise a éliminé le Berscott en s'imposant 3-0. Le programme des huitièmes de finale se poursuit aujourd'hui. À 20h, on a Moucron au stand. À 20h30, on a Malines Lokeren et Deins Eupen. Et puis à 20h45, Charleroi rencontre Genk. Mercredi 5 décembre, il est 8h03, bonjour! Bonjour! C'est mercredi, c'est la journée des enfants. Et on profite ces milieux de la semaine. Ah là là! On passe vite en 5e chocolat du calendrier de l'Avent aujourd'hui. Ouais? Ouais! Normalement, c'est un Kinder Bueno. J'en sais rien, j'en sais rien. C'est quoi, tu me donnes trop envie, je vais aller en acheter un. Et t'arrêtes de dire ce qu'il y a dans les cases, maintenant. Mais j'en sais rien, c'est ça le pire, que c'est vrai, non. Je vous jure, j'en ai pas cette année, j'ai pas craqué. À 9h, j'avais à côté, au petit magasin, là, je vais en acheter un. Il va craquer, c'est bien, en plus, t'as 5 jours à rattraper, donc c'est un peu calme. c'est pour ça. Le mec, il va acheter un calendrier de l'Avent le 25 décembre, comme ça, oui. Il mange les 25 chocolats d'un coup. Mais franchement, en plus, ils sont en promotion le 25 décembre. Bah oui, c'est vrai, c'est pas mal. C'est un concept. J'irais même le 26. Ouais, c'est ça. Au moins, tu les as vraiment pas chers. Dans un petit instant, c'est le duel énergie, évidemment, et on est là comme chaque matin avec vous pour partager des bons moments dans la bonne humeur avec le 6-9, avec une Tiffany. Qui est occupé. Avec Aurélie de la Rédac. Bonjour. Bonjour. Avec Jérém. Hello. Avec Frisco. Bonjour tout le monde. Bonjour Marco. Bonjour, bonjour. Avec Tiffany. Bonjour. Bonjour, bonjour. Vomito aujourd'hui. Oui, oh. Oui, on peut l'appeler comme ça. Laissez-la tranquille. On revient juste après. Le son qu'on écoute maintenant, c'est Marshmello avec Happier. Oh, trop bien, j'adore. Et on ça. Fait le duel énergie. C'est un blind test, hein, je vous rappelle. Et c'est un spécial ce matin, enfant. nous allons avoir des enfants qui chantent. C'est vrai? Ouais, c'est des enfants qui chantent, il faut retrouver l'artiste qui chante. Excellent. Ouais, excellent. Ça va être sympa. Des petites covers d'enfants. Exactement, c'est de la mignonnade. Ça arrive juste après sur Energy. Marshmello tout de suite. Lately, I've been thinking, I want you to be happier. I want you to be happier. When the morning comes and we see what we've become. In the cold light of day, we're a flame in the wind, not the fire that we begun. Every argument, every word we can't take back. Cause with all that has happened, I think that we both know the way that this story ends. Then only for a minute, I want to change my mind. Cause this just don't feel right to me. I wanna raise your spirits, I want to see you smile. No, that means I'll have to leave. And I'm left there with my thoughts. And the image of you being with someone else, well, it's eating me up inside. But we ran our course, we pretended we're okay. Now if we jump together, at least we can swim far away from the wreck we made. Then only for a minute, I want to change my mind. Cause this just don't feel right to me. I wanna raise your spirits. I want to see you smile. No, that means I'll have to leave. No, that means I'll have to leave. Lately, I've been thinking, I want you to be happier. I want you to be happier. So la plus belle des journées avec Energy, Lizzo. C'est la suite de vos hits qu'on va écouter dans un petit instant. Lizzo avec Boys. J'aime. Il y a Mylène sur Facebook qui dit: désolé Aurélie, il y a 24 numéros dans le calendrier et aujourd'hui c'est un Kinder Country. Bisous. Je l'ai déjà eu le country. C'est pas les mêmes. Mais à mon avis, tu sais quoi, ils sont malins. Hein. Ils font les calendriers, c'est en shuffle, tu vois. Ça part dans n'importe quelle case. Ah oui, sinon c'est tout le monde. Tu tues le truc à tout le monde. Ah ouais, ok. Bah oui, je pense. Hein. Tu peux spoiler. Bah, c'est pas moi qui les mange. Oui, c'est vrai. C'est autre chose du coup. Ouais. 8h08, les amis. Voici notre rendez-vous quotidien avec la monnaie, avec l'argent, 500 euros peut-être à gagner. C'est le duel. Le duel énergie. En effet, il y a jusqu'à 500 euros à gagner par jour, et vous pouvez le cumuler. Ouais. Je peux vous dire que l'idée était sympa sur le papier, le patron regrette beaucoup l'idée. Hein. Puisque ça a déjà coûté à la radio plus de 15 000 euros cette histoire depuis le début, même plus maintenant, on est bien à 17, je suis sûr. Ils n'avaient pas prévu ça. Ils n'avaient pas prévu 17 000 euros dans le budget, je ne vous le cache pas. On a de la thune, c'est pas grave. On fera un crédit s'il faut, mais on vous fait plaisir chaque matin avec ce duel énergie, donc jusqu'à 500 euros à gagner. On n'a plus de maître depuis 2 jours. Ouais. Ça, c'est quelque chose quand même. Hein. Là, ça commence à devenir grave. Ouais. Hein. Là, c'est un peu dur, mais ce matin, je pense que ça va gagner quand même, puisque c'est abordable ce duel, je vous le dis. Apparemment, les gens ne veulent pas d'argent. Oui, c'est ça. Pourtant, c'est les fêtes. On a Jean et Nathalie qui viennent ce matin. Oui, Jean qui travaille comme technicien en service après-vente dans tout ce qui est volet et porte de garage. Il est marié à Julie et il a un petit garçon d'un an et demi qui s'appelle Noah. Il adore toucher à la menuiserie, il est un peu bricoleur, hein, voilà. Et puis en ce moment, il regarde la série The Walking Dead, son plat préféré. Et ça, vous allez adorer, c'est la raclette. Ah ouais, ouais, ouais. C'est la vie. Jean, président. Jean, président. Bonjour Jean. Salut. Bienvenue. Oh la raclette, là, on va redémarrer la saison des raclettes. Mais est ouverte. Oui, exactement. On est d'accord. Je déclare avec Jean la saison des raclettes ouverte. Oh, elle est déjà ouverte depuis un mois chez moi. Oh oui, pas tu m'étonnes. Jean, sois le bienvenu ce matin. Tu vas tenter de gagner de l'argent, mais tu ne seras pas seul. Dans ce duel, il y a Nathalie face oui, à toi. Oui, Nathalie qui est maman au foyer. Elle s'occupe de 5 enfants à la maison qui s'appellent Loralie, Ophélie, Santino, Matteo et Romina. Sa musique préférée, c'est toutes les musiques de Céline Dion. Et puis son plat préféré, c'est les pâtes. Donc faites gaffe, hein, l'un envers l'autre, hein, puisque Nathalie est dans la place et c'est pas de Power of Love, celle de Power. Hein, je vais être maître du duel aujourd'hui. Bim. Je sais pas quel est son dealer à celle-là, mais. Tu vois, incroyable. Même malade, elle te sort des phrases. Ouais. Eh ben, vous êtes en manque d'inspiration. 0800-23456. Ouais, je suis un auteur pour un one-man show. Tiffany est là. Pour des bonnes blagues, je suis là. Nathalie, non. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Nathalie, ça Jean. Va, ça va, toi. Ben oui, on est très content de vous avoir au téléphone tous les deux. Jean, Nathalie. Moi de même. Oh, Nathalie, tu me plais, toi. Oh, tu me plais. Tu ferais une belle maître du duel, moi, je pense. Moi, je préfère Jean, il aime la raclette. Bonne chance. Je vais dire avec humour, Jean, je vais te mettre une belle raclette. Oh. Nathalie, tu fais quoi demain entre 6h et 9h? C'est la même. Sur Énergie tous les matins. Eh ben, parfait, à partir de janvier, il nous fallait une nouvelle standardiste, c'est génial. Oh. Oui, parce que Tiffany en CDD. Non, je peux pas prendre la place, Stéphanie, elle est. Super. Oh, c'est trop gentil. C'est la mère de Tiffany, c'est normal, elle a la même vanne. Oui, voilà. Bon, allez, ça suffit, cette séquence focus. Maintenant, on y va. Nathalie, Jean, vous allez vous affronter ce matin dans un duel spécial enfant, puisque c'est mercredi, on a fait la Kids Line tout à l'heure, on a parlé de ce que nos parents faisaient qu'on détestait, et ben, on continue avec les enfants. Ce sont des enfants qui ont chanté, en fait, des hits énergie, et à vous de les reconnaître. Tout simplement, il nous faut le nom de l'artiste que vous allez reconnaître, ok? Super. Okay. Tout simplement, il y a jusqu'à 500 euros à gagner et on rappelle cette règle très importante. Votre buzzer, c'est votre prénom. On est pas mal. Voici le premier extrait, bonne chance. Jean. Non, je ne sais plus. Ah bah mince alors. Nathalie, une idée? Pas du tout parce que j'entends pas en fait. Ah, c'est pas grave. Faut augmenter un peu le volume. Oui. Dommage. Allez, je vous le remets parce que celui-là, je suis sûr que les fifous, vous l'avez. J'ai calé, laissez-moi faire. J'ai calé. Facile, non? Non. Ah oui. D'accord, bon. Vous pensez avoir la réponse chez vous, vous envoyez duel si. Plus la réponse au 78. 1 euro le message envoyé et reçu, bonne chance. Attention, Nathalie, Jean. Voici le deuxième extrait. C'est parti. Je veux un jour numéro 2, une suite à telle. Oh, c'est trop mignon. Nathalie. Trop tard, ma chérie, il y a eu la clochette. C'est 5 secondes, hein. C'est avant la clochette qu'il faut donner son prénom. Ça, c'était facile quand même. Hein. Ça, c'était facile, ouais, oui. On entend pas nickel au téléphone. C'est vrai. Mais bon. Bon, vous n'allez pas commencer, pas hein. Ça fait 2 mois qu'on fait le jeu, il n'y a personne qui s'est plaint. Oh. Les joueurs, ils deviennent mauvais perdants. Mais maintenant. Oui. Mais non, mais c'est vous, hein. Bah, si jamais vous gagnez au duel, vous pourrez vous acheter un nouveau GSM. Voilà. Voilà. Allez, on réécoute l'extrait. Un jour numéro 2, une suite à telle. Oh, ah, elle est trop chaud. Et ouais, c'était Louane. C'est le jour 1, celui qu'on retient, celui qui s'efface quand tu me remplaces, quand tu me retiens. Ah, j'aime beaucoup Loulou. C'est celui qui bon, ben 0-0, toujours entre Jean et Nathalie pour ce nouveau duel énergie. Bon, dis donc, ça promet ça encore. Ouais, le patron, il est dans sa voiture, il est heureux. Hein. Il a la banane depuis le début de semaine, je te raconte pas. Si mercredi encore, il n'y a pas de maître, il va être ravi. Mais c'était franchement facile, hein, là. Ouais, franchement, c'était donné. Hein. Tendez l'oreille. Bonne chance à vous, Jean et Nathalie. Voici le troisième extrait. Allez, concentrez-vous. When the morning comes, when we see what we've become, in the cold light of... Jean. Jean. 3. Calvin Harris. 2. C'est pas ça. Une petite idée, Nathalie? Pas du tout. Moi, je l'ai. Frisco? C'est Marshmallow. Avec Happier. Happier. On réécoute. Eh ouais. C'était bien Marshmello avec Happier. Ouais, c'est pas facile. C'est un enfant qui chante là. C'est le tout ouais. Premier. Ouais. Wow, chante trop bien. Ouais. Beau talent quand même. Beau talent. Attention, Jean, Nathalie, il reste deux extraits. Bon alors, qu'est-ce qui se passe? Ouais, je suis rassuré parce que dans les deux extraits qui arrivent, ça va, vous devez trouver. Là, si vous trouvez, vous trouvez pas, franchement, c'est la honte, hein, je vous le dis franchement. Ah ouais, pression, non, la pression. Alors celui-là, peut-être pas, mais celui d'après, oui, vous trouvez pas, c'est la honte, hein, je vous le dis. Attention, voici le quatrième avant ça. Ah si! Frisco! Allez, attends, je le remets vite fait, Jean-Nathalie, je vous laisse une deuxième chance. Frisco? Aurélie! Mais je sais pas quoi. C'est Jean et Nathalie qui doivent dire leur prénom. Ils n'ont pas dit. Ils n'ont pas trouvé Jean-Nathalie. Non. Bon, Aurélie, non. C'est quoi? What about Spink? Eh bien, bien vu. Bah oui, c'est ça. On écoute l'extrait quand même. Oui, c'est ouais, là, c'était une autre partie du morceau, mais ouais, c'était ouais. Ça. Bon, Nathalie, Jean, on va se parler sérieusement là. Le dernier extrait, je vous promets que vous trouvez pas, c'est la honte internationale. Mais vraiment, là, vraiment, il est super facile. Il est même, j'ai envie de vous dire, il est cadeau, c'est offert par la maison. On est obligé d'avoir un maître du duel aujourd'hui avec cet extrait, sincèrement. Nathalie, Jean, concentration, écoutez bien l'oreille et vous buzzez avec votre prénom. Bonne chance. Cette fois, c'était la dernière. Tu peux croire que c'est une crise, ma toute dernière. Jean, j'ai eu peur, Jean. Non. Oh non. C'est pas possible. Oh non, mais non, mais c'est pas vrai. Oh là là là là là là, mais qu'est-ce qui se passe? Nathalie. Oui, Zaz. Zaz. Oh là là. On le laisse pour les fifous. Ah ouais, non mais là je suis choqué quoi. Et ceux qui non trouvent, mais c'est la honte. Ils joueront demain avec nous. Ah ouais. Oui bah oui, on va faire ça. Hein. Ah ouais, vraiment. Quoique, il y en a quand même qui envoient Aya Nakamura. Hein. Mais non mais ça c'était du tout à l'heure. C'était le premier. Et enfin, c'est la bonne réponse. Allez, attendez, non, celui-là, vraiment, là, faut pas déconner là. Cette fois, c'était la dernière. Tu peux croire que c'est une crise, une dernière fois. Comment derrière? Oh là là. Les gars, on peut plus buzzer là. Jean, j'adore. On peut plus buzzer. Non, c'est malheureusement, ben oui. Vous envoyez Duel plus l'artiste, enfin, mais évidemment, vous l'avez tous celui-là. Duel plus l'artiste au 78, 100 euros le message envoyé reçu. Et vous venez demain jouer avec nous. Et vous devenez demain maître du duel. On cherche le chanteur. Ben oui, l'artiste quoi. Allez, réécoutez, dernière fois. C'était la dernière. Tu peux croire que c'est une crise. Match une dernière fois, mon derrière. Il est à côté de mes valises. Oh là là, je suis choqué. Message de Nico, notre boss. Que j'aime cette semaine. Ah, tu m'étonnes. Mais non, mais sans déconner, là, c'est... Franchement, je suis désolé. Il est... Franchement, allez, je suis sûr qu'il y en a plein dans leur voiture qui sont devenus fous sur vous en mode, mais vous êtes... On a reçu la bonne réponse par SMS avec Duel, donc la bonne réponse. Et juste à côté, il met, prenez un vrai maître. Bon, Nathalie, Jean, on vous applaudit. Mais ouais, désolé, il n'y a pas de gagnant encore une fois aujourd'hui. C'est incroyable. Et merci incroyable. Pour votre bonne humeur quand même. Ah ouais, parce ouais. Parce que franchement, vous avez le sourire et tout. Vous êtes trop c'était drôle. C'était top, vraiment. Nathalie, tu étais génial. Ouais. Et Jean, vive la raclette. Merci à vous. Vive la raclette. Vive la raclette. Team raclette. Raclette power. On vous embrasse tous les deux, Nathalie, Jean. Une excellente journée. Et à très vite sur Énergie. Merci. Bisous. Allez, on se quitte avec celui-là. On le cherchait tout à l'heure. Décaler la paire. Et laissez-moi faire. C'était donc. Ah bah oui, d'accord. C'était Aya Nakamura. Ah. Je pense que là, je suis complètement à côté de mes pompes. Bah ouais. C'était Aya Nakamura, c'était le premier extrait qu'on cherchait. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Alors là, celui-là quand même. C'était le dernier. Allez. Et ça, c'était abusé quand même. Ah ouais, non, là, franchement, celui-là, j'étais choqué quoi. On nous envoie duel Xavier. Non, c'est pas ça. On nous envoie duel Florence aussi. Non, mais c'est, ils s'inscrivent, vous avez bien raison, parce que c'est duel plus votre prénom par SMS au 78, 1 euro le message envoyé reçu pour vous inscrire. Alors, c'était qui celui-là? Bah, attends, du Belge. C'est Polo. Mais Polo, c'était Stromae, les gars. Tous les mêmes. Oh là là là là là là. Tous les mêmes, et y'en a marre. Tous les mêmes, tous les mêmes. Tous les mêmes, et y'en a marre. Bah, c'est ce qu'on peut se dire depuis lundi, hein. Tous les mêmes, et y'en a marre. Il n'y a pas à mettre du duel, quoi. C'est incroyable. Troisième jour consécutif sans mettre du duel. Eh ben, ça arrive, comme quoi c'est possible. Voulez-vous inscrire? Maintenant, vous envoyez duel au 78 plus votre prénom et vous venez jouer demain avec nous dès 8h05. Ce serait bien quand même qu'on ait un maître, hein. Concept du jeu, au passage, je le rappelle. Allez, bonne chance à vous et à demain, 8h05, pour un nouveau duel sur Énergie. Le duel Énergie. C'est le 6-9. Salut, c'est Brokenback. Salut, c'est Klingon. Quand Klingon et Brokenback font leur retour en Belgique, c'est sur Énergie. Énergie, Afterwork. Vos DJs préférés s'invitent en Afterwork sur Énergie toute l'année. Rendez-vous demain à 19h chez Énergie pour un mix live de folie avec Klingon et Brokenback. Énergie. La radio qui vous connecte à vos stars musicales préférées. Au Sainte-Clémentine, patronne des bonnes promos, apporte-moi des fruits dans un joli cajot. J'emporterai des kilos sans payer un euro. Et puis je les mettrai dans les bottes de lait. Ce mercredi 5 décembre chez Deleuze, c'est la Sainte-Clémentine. Recevez 2,5 kg de clémentine à feuilles à l'achat de minimum 50 euros. Uniquement chez Deleuze. Du côté de la vraie vie. 10, 9, prématuré notre compte à rebours? Eh bien non, car chez Mercedes-Benz Vans, 2019 commence déjà maintenant. 2, 1, 2. Mais oui, nos offres salon avantageuses vous attendent déjà chez votre concessionnaire agréé Mercedes-Benz Vans. Venez vite et profitez d'un taux d'intérêt de 0% et d'un contrat de service avantageux à l'achat d'un Mercedes Citan, Vito ou Sprinter. Offre réservée aux professionnels. Infos et conditions sur mercedes-benz.be. Vans, born to run. Grâce au Samsung Galaxy S8 et ses appels illimités pour seulement 49 euros avec Koala Smartphone, vous n'avez pas fini d'aimer Noël. Orange. Chez Brentano, nous savons que vous n'avez pas demandé au petit kilo de l'hiver de transformer votre jeans boyfriend en jeans skinny. Nous savons que vous n'avez pas demandé à ce qu'une chaussette rouge ajoute une touche de romantisme dans votre lessive de blanc. Oh là là. Et nous savons aussi que vous n'avez pas demandé à votre adolescent qu'il change de look toutes les deux semaines. C'est quoi ça? Heureusement, en ce moment, c'est les pré-soldes chez Brentano. Recevez 50% de réduction sur tous les articles marqués d'une étiquette rouge à l'achat de minimum 2 pièces. Conditions sur brentano.be. C'est fou comme j'en ai fait des petits trous pour accrocher le tableau d'Angélique, l'étagère de Karine. Mais tout ça m'a fatigué. Alors on m'a rechargé et c'est reparti pour un tour, pour 1000 tours, dans du bois, du métal, de la brique, qui m'ont définitivement épuisé. Rapportez aussi les batteries usagées de vos outils dans un de nos points de collecte. Bebat leur donnera une nouvelle vie. Recycler ensemble, c'est mieux pour la nature. Dans un petit instant, c'est Lizzo qui va arriver côté hit. Elle a un point sur les routes ce matin. Aurélie, ça dit quoi? Ça dit qu'il y a un accident sur l'A17 à hauteur de Marquin en direction de Tournai. La bande d'arrêt d'urgence et la bande de droite sont bloquées. Autre accident sur le 47 fois à hauteur de Votem en direction de Bruxelles. La bande de gauche est bloquée. La situation est dangereuse. Et puis, il y a des ralentissements au sud du pays sur le 411 entre Stockheim et Sterpenich. Vous perdez 27 minutes en direction de Bruxelles sur le 40. Comptez 29 minutes en plus entre Everlay, Woluwe et Saint-Etienne sur le 411. Ajoutez 18 minutes entre Overace et le carrefour Léonard sur le ring extérieur. Ça coince entre Waterloo et Oulart. Vous perdez 24 minutes. Et puis sur le ring intérieur, comptez 12 minutes supplémentaires entre Halle et Uzingen. Et courage à vous sur les routes hein, ce matin. Dans un petit instant, on vous explique comment venir nous voir en public le 21 décembre. On va faire une émission spéciale pour Noël en plus. Donc ce sera l'occasion de venir gagner du beau cadeau en plus. On va mettre du beau cadeau sous notre sapin, je vous le dis. Et il y aura Alice on the Roof aussi qui sera avec nous. Je vous explique tout ça dans un petit instant après Lizzo.

Il est 8h34, bonjour. Bonjour. Oh, qu'est-ce que c'est beau de vous dire bonjour comme ça chaque jour pour vous mettre de bonne humeur chaque matin dans le 6-9 sur Énergie. Ouais. Avec cette belle bande de fifous. Oh. LP qui va arriver côté Dean Lewis tout de suite et c'est le mot gagnant juste après, on joue ensemble. I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me and I see there's something you're trying to hide. And I reach for your hand but it's cold, you pull away again. And I wonder what's on your mind. And then you say to me you made a dumb mistake. You start to tremble and your voice begins to break. You say the cigarettes on the counter weren't your friends, they were my mates. And I feel the color draining from my face. And my friend said, I know you love her, but it's over, mate. It doesn't matter, put the phone away. It's never easy to walk away. Let her go, it'll be alright. So I still look back at all the messages you'd sent. And I know it wasn't right, but it was fucking with my head. And everything deleted like the past, yeah, it was gone. And when I touched your face, I could tell you're moving on. But it's not the fact that you kissed him yesterday. It's the feeling of betrayal that I just can't seem to shake. And everything I know tells me that I should walk away. But I just wanna stay. And my friend said, I know you love her, but it's over, mate. It doesn't matter, put the phone away. It's never easy to walk away. Let her go, it'll be okay. It's gonna hurt for a bit of time. So bottoms up, let's forget tonight. You find another and you'll be just fine. Let her go, sur Énergie. LP dans un instant. Ah, on va dire une corde plutôt dans un instant. Enfin, c'est tranquille, moi j'aime bien. Mais je dis pas que j'aime pas, mais bon, elle a des primes. Elle est en recovery, c'est-à-dire qu'elle. C'est Mylène Farmer en anglais. C'est ça. Clairement ça. LP, on va écouter ça dans un tout petit instant, mais avant. On va jouer. Ouais. Ah. On va jouer au mot gagnant, un jeu qu'on aime beaucoup dans l'émission. Le mot gagnant, c'est quoi? C'est 20 secondes. Vous devez donner tout un tas de mots qui vous passent par la tête, démarrant par une lettre. Quelqu'un de l'équipe fait la même chose. Un mot en commun, c'est-à-dire si vous donnez tous les deux le même mot, et ben paf, c'est le mot gagnant et ça fait du cadeau pour Océane. Ouais. Oui, Océane qui travaille comme indépendante kiné dans la région du Luxembourg. Elle adore l'équitation qu'elle fait depuis presque 20 ans. Et puis, j'ai une chanson qui me vient en tête, c'est le cheval, vraiment c'est génial. Enfin bref, en ce moment... Elle regarde la série The Range sur Netflix, hein, rapport au cheval aussi. Elle adore la dernière de Calvin Harris et Sam Smith, c'est No Promise. Et puis son plat préféré, c'est la pizza. Ah bien, on aime tous la pizza. La pizza. La pizza. C'est la pizza, il y a aussi un rapport au cheval ou... Mais non, mais bon, The Range. Le ranch. Et puis 20 ans d'équitation, bim quoi. Ouais, sinon j'ai une autre référence pour toi. On m'appelle le cheval. Je connais pas, c'est pas ça. Magnifique, hein. J'adore. Bonjour, Océane. Bonjour, les fifous. Bonjour. Tu vas être contente, Océane. Oui, on m'appelle le chevalier Océane. Ah là là, comment il s'appelle le poney? Il s'appelle Mailleur. Mailleur. Bon, c'est le Mailleur du coin. 5€ dans la canne. Oui. Allez, hop. Là, c'est une accumulation. Là. Oh là là là. Et 20 ans de poney, Océane. Bien. De cheval. Oui, ouais, c'est pareil. D'équitation. Et du coup, tu fais du saut et tout ça alors? Non, non, je n'aime pas du tout le saut d'obstacle. C'est vraiment la balade. Ah, mais c'est génial. Et t'as un cheval à toi ou? Oui. Mais oui, c'est Mailleur. C'est Mailleur. C'est génial. Eh ben, je vous promets, c'est un truc qui m'aurait plu d'avoir une belle maison avec, tu vois, la possibilité d'avoir un poney au fond du jardin et tu peux aller te balader comme ça en forêt. Comme ça, t'as plus à tourner la pelouse. C'est... Ah non, non, non. Oh, les riches. Allez, Océane, on joue au mot gagnant ce matin. Je vais te mettre en route un chrono de 20 secondes. Et tu vas devoir nous donner tout un tas de mots qui démarrent par une lettre. Quelqu'un de l'équipe va faire la même chose, mais qui? T'as envie de choisir qui? Il joue avec qui? Qui va être connecté à toi ce matin? Tiffany, Frisco, Jérém, Aurélie de la rédac? Ou moi, je peux jouer, pourquoi pas aussi? Peut-être Tiffany. C'est bien le cheval. Tiffany. Allez, cool. Allez, dépêche-toi. Allez, dépêche-toi, Tiffany. Oh, c'est pas vrai. Allez, Tiffany, on y va. 20 secondes. T'es prête, Océane? Oui. Et on va faire la lettre du cheval. Oui, mais alors on n'accepte pas le mot cheval. Mais on n'accepte pas le mot cheval, c'est vrai, sinon c'est trop facile. La lettre C, Océane, c'est parti. Alors, chat, château, col, citron, carburant, catastrophe, cône, Oula. C'est fini. Les deux derniers, on n'a pas entendu, ma chérie. Les deux derniers, c'était quoi, quoi? J'ai dit constitution. Ouais. Et l'autre, bonne question, je sais même plus. Cargo, j'ai cru entendre. Ah, cargo, c'était ça. Cadeau. Cadeau et constitution. Ok, on fait revenir Tiffany. Allez, Tiffany, reviens. Reviens à ta place. Neuf mots. 20 secondes. Attends, si t'en as pas un, franchement, t'es nul. Oh, mais attends, c'est quoi la lettre? Vous avez trouvé un Z ou je sais pas quoi? Non, un peu avant. Oh, c'est pas vrai. Ouais, X. Oh, mais allez. Lettre X, c'est parti. Ouais. Xerès, Xanax, Oh, j'en sais rien, moi. Non, mais ça va, c'est pas grave. C'est pas ça. Pas celle-là. Oh, vous allez me refaire la mais c'est sérieux. Comme quoi, vous voyez, une vanne, elle peut marcher plusieurs fois. Bah oui, surtout parce que moi, je suis naïve en plus. Donc, allez, go, c'est quoi la lettre? Non, sérieusement, c'est la lettre C, Tiffany. C'est 20 la bonne, secondes. Ouais, vraiment, sérieusement. C'est allez. Parti, la lettre C. Cacahuète. Carabistouille. Ah, mais cheval. Cheval. Chat, chamelle, chameau, ouais, c'est char, bon. Char. C'était pas la lettre C. C'est pas vrai. Si, c'était la bonne lettre, il y a le mot char. Oui, ouais. Eh, on a eu peur encore. Hey, Océane. Moi aussi, j'ai eu peur. Océane. Oui. T'as misé sur le bon cheval. Bah oui, apparemment. Et ouais. Et quel cheval? T'as pas vu la tête du cheval, hein? On va penser que c'est peut-être la laine du cheval. S'auto-détruit maintenant. La laine du poney. Bon, allez. Eh ben bravo, Océane, c'est gagné. Allez, cadeau pour toi ce matin. Tu choisis place de ciné. Sinon, on applaudit tous. Dis-toi, j'applaudis, tu appelles toi, Pierre. On peut applaudir tous en même temps. Allez, ouais. 3, 2, 1, bravo! Bravo, Océane. Tu choisis le cadeau, 4 places de ciné, une compil énergie ou l'enceinte Bluetooth. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Je ne sais pas si les places de cinéma sont valables dans ma région. Mais t'es de quel côté? Près d'Arlon. Bah oui, il y a un cinéma dans le coin. Bah écoute, on te repasse Tiffany, elle oui, va vérifier avec toi. Oui, on va s'arranger, voilà. Océane. Plus simple, parce qu'on ne connaît pas toute la liste des cinémas de tous les cinémas de la Terre. Donc, On t'embrasse, Océane, une excellente journée avec énergie. Merci également. Gros bisous. Bisous. 8h43, voici LP sur Énergie. Courage. The room is dark, the blinds are shut tight. Everything is still too much outside. It may be over, but not tonight. I may be older, but I still cry. I can't stop sleeping in your clothes. You can't stop calling on the phone. Can't you see? Just let it be. I'm in.

19h55, à la vie, à l'amour. Ouais, Soprano qui était avec nous hier soir, allez revoir le live. Vidéo, tout ça, ça va arriver, ça sera sur énergie.be évidemment. Dimitri Vegas, Like Mike dans un instant. Le beau gosse dans un deuxième instant. Ah, il mange. Oui, je n'ose pas parler. Sorry. Bonjour tout le monde. Bonjour Tanguy. Tu veux dire buongiorno. Ah oui, buongiorno. Tanguy qui arrive avec vous pour la playlist partagée à partir de 9h sur Énergie. N'hésitez pas à aller faire la vôtre aussi, c'est sur énergie.be. Vous mettez les titres que vous aimez et Tanguy vous les diffusera. On a beaucoup de succès en tout cas sur ces playlists, ça fait plaisir. Ah, c'est très chouette. C'est qui vient ce matin qui fait sa playlist? Christina, et c'est pas Christina Cordula, c'est pas elle. Oh, magnifique! Oh, magnifique, oh, chérie! On doit lui faire tout le temps, elle doit en avoir marre. Ah oui, la pauvre. Ah bah oui, bah fallait pas le faire. Hein. Ça arrive dans un petit instant. Oui, c'est comme l'autre aussi dans Danse avec les stars. Ça, j'achète, il doit l'avoir aussi tout le temps. Hein. Jean-Marc Généreux. Ça arrive dans un tout petit instant. Tanguy avec vous et la playlist. Avant ça, il paraît que sur les stars, j'ai des petits secrets à vous donner. Des trucs un peu gênants, même pour certains, je vous le dis. Angelina Jolie. Ouais. Tout le monde voit Angelina Jolie. Oui. Elle est jolie. Oui. On entend bien son nom. Eh ben, sachez-le, elle n'est pas si irréprochable que ça, là, Angelina. Concernant son hygiène, elle peut passer une semaine sans se doucher et porter les mêmes vêtements. Oh, très cher. J'ai des frissons. Et apparemment, elle aurait l'habitude aussi de fumer au lit. Oh non, ça c'est dégueulasse. Tu vends du rêve, Angelina Jolie. Ouais, hein. Tu donnes envie. Ah, tu viens de casser le mythe de Tom Rider. Ah ouais, je préfère encore passer une nuit avec Tiffany, tiens, pour te dire. Oh. Bah écoute, moi je ne fume pas au lit, mais par contre je ne veux pas. Vu si tu pètes, non merci. Oh, c'est la meilleure vanne. En parlant de Peter, Georges Clooney. Il est toujours là dans la pub du café, être hyper glamour. Il paraît que c'est un gros auteur et un gros péteur. C'est Jerem. Wow. C'est Jerem. C'est Jerem, c'est ça. Ça. Et, what else, hein. Et chaque fois, c'est ça, et le mec, il a fait. What else? Tom Cruise, beaucoup de gens ronflent, hein. C'est vrai, Frisco, t'es un bon ronfleur. Moi, j'ai de la vie. Moi aussi, je le reconnais. C'est vrai, je suis un bon ronfleur aussi. Moi, je suis pas ronfleur. Toi, t'es un réacteur, tu fais le bruit d'un Boeing 747. Mais oui, vieux. Là, tu dis qu'il ronfle pas, c'est Tihange 6, le mec. Lui tout seul, arrête tes bêtises. Arrête un peu. Et ben, sachez-le, Tom Cruise, et ben lui c'est pire que tout. Hein. Le gars il fait monter les décibels à tel point qu'il fait chambre à part. À l'époque où il était avec Cathy Holmes, ils dormaient chacun dans une chambre. Et lui il avait carrément une chambre insonorisée pour pas la déranger. Ouais, mais eux ils ont les moyens de faire ça. Moi j'ai pas les moyens, je vais avec tout le monde. Chaque fois qu'ils mangeaient des œufs, ils gardaient les boîtes à eux, tu sais, pour faire des murs. Et moi je vous promets, c'est une difficulté avec ma femme. Elle me fait la guerre avec ça. C'est vrai ? Elle me fait la guerre parce que je ronfle. Alors à chaque fois, je vous jure que c'est vrai, je pète un câble. Tu commences à peine à t'endormir. Paf, coup de coude, tu ronfles. Oh mais arrête. Moi j'ai de la et chance. Et comme ça pendant jamais. Une heure. Elle me réveille jamais. Ah bah t'as de la et chance. Et après elle me dit, mais t'as pas ronflé. Et alors que je sais que j'ai ronflé parce que moi-même je me réveille de mes ronflements, tu vois. Attends, dans deux ans. Ouais, on en c'est parle. Ça. Tu sais ce qu'il faut faire hein, pour éviter les ronflements? Non. Mais il faut maigrir. Merci Tanguy. Voilà. Moi je suis beau gosse, je peux te le permettre de te le dire. Non, mais c'est faux. On a toujours la vidéo au dossier sur Tanguy. Non, c'est bon. Alors vous allez voir sur Instagram. Il y a des belles photos de Tanguy. Tu es quelle vidéo? Les fifous du 6-9, pas la vidéo. C'est parce que j'ai déjà dormi avec Marco et j'ai déjà dormi avec Frisco et voilà, je sais que. Voilà. On a du dossier, fais pas le malin. Camille Serre, vous voyez la Miss France 2015? Ouais. Elle a vomi un rendez-vous amoureux. Oh c'est classe. Et un spaghetti carbonara pour la 12. C'est ça. Ouais, j'ai mangé des crevettes à l'ail à la table d'à côté, ça lui a monté au cerveau et. Ça, c'est magique. Hugh Jackman qui a fait Wolverine avec la griffe, et ben, il s'est coupé l'entrejambe. Oh. Ouais, avec la griffe, justement. C'était en plein tournage de X-Men. Et en fait, il s'est coupé l'entrejambe. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, dans une scène, il devait être tout nu, apparemment, et il devait courir comme ça, entièrement nu. Et il s'est retrouvé nez à nez avec une bande de filles qui s'étaient regroupées pour l'attendre et faire des photos et tout ça, quoi. Du coup, comme il arrivait avec le zouzou à l'air, il a voulu le cacher. Avec ses griffes. Avec ses griffes. Et là, non. Oups. Et là, on voit la tête des gars qui ouvrent la bouche et qui restent bouche, mais. Non, mais comment est mort le capitaine Crochet? On se le demande pas assez, mais je pense qu'il s'est gratté un petit peu les aubignoles. J'ai lui gratté les aubignoles, le mec il y était et il y est resté, tout simplement. C'est abusé. Allez, on finit avec ça, avec deux artistes énergie. Fergie, apparemment elle s'est fait pipi dessus sur scène. Elle a eu un petit problème de vessie, ouais, elle faisait une prestation. Et comme son bus était resté coincé longtemps. Ah, tu l'as vu? Ouais, il y a la vidéo. C'est vrai? Ouais. oui. Ah, j'ai compris, Tanguy, j'ai déjà eu, je mets deux bouches. Et donc, elle arrivait en retard sur scène parce que le bus était coincé et elle avait carrément zappé la case pipi. Ah, bah, c'est comme dans le Monopoly, hein. Tu passes pas par la case départ, tu prends pas les 20 000 euros, bah, tu vas par la case pipi, bah, tu fais pipi. Voilà. C'est exactement ça, c'est la même chose. Et on finit avec Beyoncé, la diva, qui s'est pris les cheveux dans un ventilateur. Et là, pour le coup, il y a aussi la vidéo. Ça doit faire mal. Ça fait mal. Perfectionniste, la Beyoncé, Queen Bee. Il faut savoir qu'elle était en sur scène, en pleine prestation, et d'un seul coup, les cheveux. Et c'est ça comme ça qu'est venue la chanson. Oh, oh, oh. Il y a un petit problème. Oh, oh, oh. C'est énorme. Ouais, ouais. Et franchement, il faut aller voir la vidéo parce qu'elle est restée comme ça, mais on voit pas quoi. Pendant 5 minutes, les cheveux dans le ventilateur. Oh, purée. C'est dur. Mais rigole pas, moi ça m'est déjà arrivé, mais avec le sèche-cheveux. Mais on s'en fout. Quand tu le retournes, tes cheveux restent bloqués dedans. C'est vrai, on en parlera à notre frigo. Non, mais pourquoi retourner le sèche-cheveux? Ben, ouais. Je sais pas, ça m'est arrivé, je l'ai retourné par malencontreuse. Hey, Kinder surprise. Brune à l'extérieur, blonde à l'intérieur. Mais non, ça m'est déjà arrivé de me sécher les cheveux et juste de vouloir le reculer. Et en fait, ça m'a pris les cheveux, quoi. Ouais, bon, c'est bon, tais-toi, parce qu'il y a Dimitri qui est là. On écoute ça et on vous laisse avec Tanguy juste après la playlist partagée sur Énergie. Et Hakuna Matata, et oui. It's true if you believe, you can get anything you want to achieve. And that's worth to everything tatted on my sleeve. It ain't what you see, a G is underneath. I've left plenty positions of feeling comfort. When shit ain't cool, fools run for it. You gon' remember my name when I'm done with it. And when it's said and done, I'll be at the top where the summit is. 10 toes, we the ones who run it. Everything running smooth, there ain't no dysfunction. If we talking money, homie, that's a good discussion. I'm talking motivation with no interruption. When I grow up, I wanna be like Wiz Khalifa. Have lots of cool stuff. When I grow up, hear my music through the speakers. I wanna feel love. When I grow up, I wanna have enough to pay the bills. And buy my mama a house upon a hill. I wanna be like Wiz Khalifa. When I grow up, when I grow up. I'ma always give my all, yeah. Haters talking down, they wishing that I fall, yeah. Every time I get a chance, know that I ball, yeah. Anytime I need my game, they right there for me. I go hard, yeah, from the start, yeah. Never tried to rush things, I play my part, yeah. Never said it's easy, they could make things hard, yeah. Every time you see me, look like we performing. I'm a star, yeah, living large, yeah. Look at me like a boss because I paid the cost, yeah. Had to slow it down, I had too many bars, yeah. Now I got the younger kids singing out. On vous souhaite une belle journée. C'est Tanguy qui prend le relais avec vous pour vous accompagner jusqu'à midi. Exactement. Oui, monsieur. Oh oui, monsieur. Avec la playlist partagée, n'hésitez pas à aller faire la vôtre énergie.be. On a déjà fait, nous, la nôtre. Hein. Elle était très chouette. Elle était sympa. Elle est passée lundi il y a une semaine ou deux. Ouais, c'est vrai, on a fait ça avec vous, avec les fifous. On s'était bien marré. On y va, hein. On revient demain. Ben oui. Ben oui, dis donc, allez, on se quitte comme d'hab avec le Hakuna Matata qui fait du bien. Ah oui, ça fait trop du bien. Ah oui, parce que c'est vrai, dans ce monde de brut, hein. Un petit peu de douceur quand même, s'il vous plaît. En cas de problème, un seul mot, Hakuna Matata. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Ces mots signifient que tu vivras ta vie sans aucun souci sur énergie. Hakuna Matata. Excellente journée. Merci d'être là chaque matin avec nous, de partager la bonne humeur sur Énergie. Oh On démarre les journées tous ensemble et on espère qu'on vous les fait bien débuter, vraiment, avec toute l'équipe. Bisous Tiffany. Bisous tout le monde. Bisous Aurélie de la rédac. Bisous. Bisous mon Jérém. À demain, bisous. Bisous, bisous mon Frisco. Bisous mon poulet, bisous Marco. Poutou, poutou. Poutou mon Tanguy. Bisous tout le monde. Bonne émission mon poulet. Merci beaucoup. Et on revient demain dès 6h, soyez là au taquet, 6h du mat pour un réveil en musique et avec du rire aussi, on se marre bien chaque matin, ouais, je vous le dis. Ouais. Demain à 6h, le 6-9 est de retour. À demain. Le 6-9 revient. Demain, dès 6h. Dès 6h sur Énergie. Vous pouvez donc dire au DRH que j'accepte le poste. Excusez-moi, vous êtes... Philippe Delmèche. Ah oui, oui, oui, on s'était vu il y a un sacré bout de temps, non? Oui, ben j'ai pris le temps de réfléchir. Ah oui, je me souviens, j'étais encore stagiaire à l'époque, c'était il y a bien 8 ans, non? C'est ça. 8 ans, c'est ça. Eh oui, les opportunités, mieux vaut les saisir à temps. Et chez votre distributeur Ford, c'est maintenant. N'attendez pas le salon et profitez sans tarder de ces conditions exceptionnelles sur toute la gamme. Ford. Gros Fadre. Conditions sur Ford.be. And you're listening to Énergie. Ah, c'est le moment que je préfère. C'est vous qui faites votre playlist, 5 titres que vous choisissez et moi je les partage partout en Belgique. Et ce matin, c'est elle qui a été choisie, Christina. J'ai choisi sa playlist, elle a laissé un message, car ce sont les sons que j'écoute le plus en ce moment, notamment Panic at the Disco, l'album est génial. Bah, ça tombe bien puisque Panic at the Disco, c'est ce qu'on écoute tout de suite. On aura aussi Ariana Grande dans la suite. Vous pouvez faire comme Christina, faire votre playlist sur energie.be. Vous les choisissez. Faites votre playlist sur energie.be. Thought I'd end up with Sean, but it wasn't a match. Wrote some songs about Ricky, now I listen and laugh. Even almost got married, and for Pete I'm so thankful. Wish I could say thank you to Malcolm, cause he was an angel. One taught me love, one taught me patience, and one taught me pain. I'm so fucking grateful. One day.